feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Grâce à vous, et c'est un vrai kiff. Bonjour tout le monde. Comment Bonjour. Ça va, ma Julie? Bonsoir, ça va bien. Ça va, tout va bien. Oui. Est-ce que le week-end était bon, Julie? Non, pourri. Merci, Julie. C'est génial de démarrer une émission. Jamais je m'attends à ce qu'ils disent ouais, c'est pas, non, pourri, caca. Oui, mais anti-bio et en forme. Comment ça va, mon Pietre? Ça va. La vie est belle. Ouais, le week-end a été pourri aussi. J'ai perdu des sous, j'en ai marre. T'as joué? T'es allé au prix de machin. Oui, il ne fallait pas jouer. Ils le disent dans les publicités. Ils disent manger 5 fruits et légumes par jour et le jeu de jeune tenue dépendance. Tu l'avais prévenu. Que quoi, il fallait pas jouer? Bah oui, qu'il allait perdre. Mais je vais faire super pas jouer de l'argent. Guéguette, le week-end. Oui, week-end bien. Bah voilà, tu sais quoi? Eh bien moi. Non, mais attends, le dimanche soir pourri, mais week-end bien. Pourquoi? Le retour du mal au cucu. Il a un petit coussin. Jusqu'à ton dimanche soir, je me mets dans le clan Guéguette. J'ai passé un très bon week-end. C'est un week-end repos. J'ai fait du buggy, j'ai mis une petite vidéo, machin. Ah oui, j'ai vu, c'était mortel. Ça. C'était dément. J'ai fait du buggy et j'avais des enfants avec moi, et qui rêvaient de faire du buggy. Et donc, je les ai amenés à côté. Alors, d'abord, je les ai fait conduire. Ouais. Donc, c'est marrant. Ouais, j'ai vu sur Snap. Mais c'est risqué surtout. Non, c'est hors route, c'est sur un chemin, puis ils vont doucement, puis tu peux mettre en vitesse lente. Donc, ils vont pas trop vite. Et après, j'ai dit maintenant, mets-toi à côté. Et Coco va conduire. Je vais te montrer. Ah bah le gamin il est ressorti blanc. Hein, mais c'était marrant, c'était bien. L'équipe va bien, Loris va bien. Oui. Stouff, Mika, vous allez bien? Oui. Et allumez vos micros, n'ayez pas peur, vous avez le droit. C'est à toi de l'allumer. Eh ben je ne l'allumerai pas. 0870 42 48, passez-nous un coup de fil. Et bienvenue dans cette émission. Est-ce que le public va bien? Ouais. C'est qui notre invité ce soir? Ouais. C'est qui? C'est qui de... T'es sorti tout seul sur ce CQ ou pas? Je l'ai suivi, c'est passé. Non, pas suivi du tout. Alors, pas du tout, mec. Kidvé sera avec nous tout à l'heure. Ah, moi, j'aimais bien celle-là. Il y a beaucoup de gens qui demandent sur les réseaux sociaux. J'ai regardé tout à l'heure. Est-ce que vous ferez un YouTube live ou est-ce que vous ferez un Facebook live? Est-ce qu'on pourra suivre l'émission de chez nous? Alors je m'adresse à Loris qui nous gère toute la communauté et tous les gens qui sont là. Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Alors on va faire un Facebook live pour Kinvé, une partie de Kinvé. Et après on va faire le record du monde des ballons. Ça, on hésite beaucoup. On en parle. D'abord Facebook live avec Kinvé tout à l'heure. Donc de chez vous en écoutant Énergie, vous aurez Kinvé. Demain on a qui? On a MHD qui sera notre invité. J'adore ça. Mercredi, il y aura Richard Orlinski. Vous savez, c'est un mec c'est un gars qui fait des sculptures. Des trucs de ouf là. Bah, dès qu'il se fait chier, il fait des musiques. Ouais. Enfin, on a des gens qui font de la musique. Oui. Oh, il est DJ. Il y aura Alan Walker aussi bientôt. Et alors jeudi, émission de ouf. Ah là là, on l'attend. Là on vous fait une belle semaine. Jeudi il y aura Kenji. Là j'ai toute la famille, les amis, des gens que je connais pas sur Twitter et Facebook et sur Snap. J'ose plus ouvrir mes Snaps sur Koyoff. Tu peux avoir des places pour Majestic. Ah oui. J'essaie de leur dire que notre studio, c'est pas le Parc des Princes. Non. On peut pas prendre tout le monde parce qu'il y aura Kenji. Oui. Mais la même émission, il y aura Robbie Williams. J'aime bien son morceau. Il est bien nouveau. Ouais. Et vendredi, on terminera la semaine avec Jonas Blue. C'est pas mal tout ça, non? Bonne semaine. Ouais, ils ont des bonnes têtes dans le public. Il y a des petits devant au premier rang. Ils étaient déjà venus nous voir, non? Non, jamais. Non, on les a jamais vus. Bonjour, comment tu t'appelles, petit garçon? Timéo. Ça va, Timéo? Oui. T'es en forme? Oui. Est-ce que t'as passé une bonne journée, Timéo? Oui. Ouais? Ouais ou ouais? Oui, oui. T'as une oui, petite copine, oui. Timéo? Oui. Quel âge elle a? 25. Je sais pas. C'est une débat. Elle a 20, c'est une mille. Il s'en fout. Quel âge tu as, toi, Timéo? 5 ans. Ah voilà ton âge j'espère. 6 ans. 6 ans, la mère est derrière, fait 6 ans. Ça veut dire quand on a commencé ici sur Énergie, il était pas né. Ouais, c'est ouf. Timéo. Oui. Je suis en train de me dire. C'est vrai. C'est ouf. À l'occasion, je vais essayer de trouver une jolie formule hein, parce que c'est en ce moment faut faire gaffe à ce qu'on dit. Peut-être qu'il y a eu conception sur notre émission. Bah ouais, c'est peut-être vrai, que ouais. Cette émission a distribué de l'amour. La maman, elle me regarde, elle fait non. C'était devant Koh-Lanta. On se souvient bien, on a failli appeler le petit Koh-Lanta. Bienvenue tout le monde. Dans un instant, je vous expliquerai comment nous allons peut-être battre un record. Ce sera grâce à vous. On aura dans un instant, on aura Estelle, c'est ça? Bonjour ma petite Estelle, t'es prête? Estelle? Estelle que oui. Tu as eu via Facebook. Que j'ai eu via Facebook. Ouais, enfin qui nous a envoyé un message sur Facebook. Snapchat. Ah, c'est super. À toi que j'ai fait une capture d'écran et j'ai dit je le passe à l'équipe. Exactement. Ouais, oui. Et t'as vu, est-ce que t'as vu Estelle que quand je dis un truc, je le fais? Oui. C'est aussi pour ça qu'on est numéro 1, ma chérie. Tu sais, je te le dis tout de suite. Dans un instant, il y aura Maître Gims et Jules. Bouge pas, on s'occupe de toi dans un instant. Il y aura DJ Snake et Justin Bieber. Il y aura Amir et là, c'est Mike Perry. C'est lundi, on est là, bonjour. It's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into C'est l'heure du coming out de Koé. Du comeback, oui, c'est pardon, ça. Oui, c'est que... un lapsus. Oui. Mais au moins comme ça, vous êtes au courant. En même temps. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Passez une bonne journée chez vous à la maison et que vous kiffez. Hashtag Koé saison 7 sur Twitter. Et je crois que la Kinvey Family a déjà fait un gros truc puisque il y a un TT. Il y a déjà un TT, ouais. C'est quoi? Bah c'est Kinvey chez Koé sur Énergie. Ouais, mais ah c'est vrai. Ouais, c'est la Kinvey Family. Family. Tout à l'heure, nous allons tenter deux trucs, mais nous allons. Viens, mon petit poulet. Où est mon téléphone? Il est à ta droite. Je vais faire une photo, je vous la fais en live. Viens là, mon Loris. J'arrive. Viens là. Je vais en live Instagrammer. Une photo avec mon Loris. Écoutez-moi bien, il faut faire 8000. Eh, on a la pression ce soir. Pourquoi? Depuis cet après-midi, là, on est à fond dans le bureau. Ouais, mais il faut qu'on explique pourquoi. Ah bah oui. Faut qu'on explique pourquoi. Nous avions fait un record du monde. Oui. Il y a un peu moins d'un an. Record du monde il y a un peu moins d'un an de péter de ballon avec les fesses. Ouais, parce qu'on fait des trucs haut de gamme. Et nous étions record du monde. Oui, tout à fait. Mais depuis, que s'est-il passé? Bah cet été, j'ai été battu par Ashrita Furman. Ah bâtard. Un américain. Ouais, un américain. On est en train de conquérir l'Amérique en ce moment. Non, et c'est surtout lui qui pour l'instant est en train de conquérir. Et qui avait éclaté 68 ballons avec ses fesses. En une et nous, combien de plus que nous? 8 ballons de plus que nous. Ah ouais, ah, pas mal quand même. C'est chaud. Alors attention, je suis en train de mettre sur mon Insta Koé officiel. À 8000 likes. Nous battons. Voir par les Américains là. Oh, nous jamais, battons jamais. Le record d'éclatage de ballon. On a la juge qui est là, hein, la comme juge d'habitude, du Guinness qui vient Book de Londres. Qui va arriver là, ouais. Oui. Dans la elle est là, je la vois aller dans le couloir. Bam, je suis en train de faire partir. Voilà. Ah ouais, elle arrive. Ça y est. Donc ça veut dire que si on arrive à 8000 likes, ça se joue sur Insta. Donc allez sur mon Instagram, Koé officiel. Ça se joue seulement sur Insta. Si on arrive à 8000 likes sur la photo que j'ai mis avec Loris, c'est bon, on le fait. Sinon, la dame, on la remet dans l'avion, on le retourne en. Elle va être ravie de repartir. Bon, on fait un gros bisou. Qui est en téléphone avec nous? Estelle. C'est qui? Ma petite Estelle, comment ça va? Estelle. Ça va? Non, c'est Estelle. Excuse-moi. Ça y est, elle est belle. Estelle, elle est magnifique celle-là. Estelle, laisse-moi t'expliquer ce qui vient de se passer. C'est allé peut-être un petit peu vite. On a un truc dans l'émission où dès qu'une fille s'appelle Christelle, nous on dit Stelle, parce que Christelle. Belle. Et là, Julie, elle entend Estelle, elle fait Stelle. Mais ça marche pas avec Estelle. Mais si tu fais Hé, hey, Stelle! Ça marche, non? Mais pourquoi? Non, parce que crie, le verbe crier, Estelle. J'avoue. C'est comme Dylan. Lan. Parce qu'il y a, il y a dit devant. Tu vois? Ouais, Estelle, donc Estelle. Oh là Christophe, là, ça marche. Je pensais pas qu'on en serait à faire une explication de texte qu'un enfant de 5 ans, le petit du premier rang, ils sont en train de se foutre de toi. Oui. Timéo, je suis désolé, hein. Vraiment, mon pote. Estelle. Bon, Estelle, t'es en forme, chérie. Je lis le mail d'Estelle. J'ai 21 ans, je me fais régulièrement. Je me fais avoir par les mecs. Je n'arrive pas à reconnaître les manipulateurs qui ne cherchent qu'à me. Et vous avez vu, maintenant, je dis très très bien le. Et il va falloir que je prenne cette habitude parce que j'ai l'impression qu'il va falloir mettre beaucoup de. Et donc, ils ne cherchent qu'à me. Et se barrer après. C'est soit ça, soit je tombe sur des mecs paranoïaques qui me fliquent, ou des mecs qui me trompent, ou des mecs qui sont tous mignons et du jour au lendemain, au final, redeviennent les geeks qui ne sortent pas de chez eux. Ah oui, en gros, t'as du mal à interpréter ce que veulent les garçons. Oh, dis donc! Ah oui, mais ma chérie. Elle est très jolie en plus. Ah bah ouais. Oui, mais c'est pour ça, t'es très jolie, ça se bat à la porte. Ça se bat à la porte. Ah ouais, jolie. Ah, ouais. Bah si, à un moment donné, moi je connais beaucoup de filles, peut-être qui nous écoutent, pour lesquelles c'est beaucoup plus calme. Oui, c'est ça. Elles aimeraient bien tomber sur des mecs qui ne veulent que la. Ouais, ouais. Si je dis jusqu'à la fin de l'année, ça va être. Ouais, mais c'est bien. Tu veux qu'on trouve un son? On peut mettre un son. Va falloir qu'on trouve un son. Ouais. Parce que ça va être. En permanence, être compliqué. On peut t'enregistrer si tu veux. Émission klaxon. Mettez-moi un bruit de klaxon, les gars. Mettez-moi un truc que je puisse utiliser. Le truc qu'il y a dans le jingle, le klaxon pourri de la kangou, je sais pas quoi là. Revenons sur le problème d'Estelle. Oui, pardon, Estelle. Donc, le dernier en date, par exemple, c'était quoi? Le dernier en date, c'était. Il m'a dragué ouvertement, machin. Jusque-là, ça va. M'a manipulé jusqu'à ce que je couche avec. Mais qu'est-ce que t'appelles manipulé? Jusqu'à ce que tu. Oui, voilà. Excuse-moi. Et en fait, manipuler, c'est-à-dire me faire croire monde des merveilles, et puis après, voilà. Alors, je crois que c'est pas monde des merveilles, c'est monde des merveilles, il me semble, non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, pareil. Elle a dit monde des merveilles. T'as dit monde des merveilles? C'est non, pareil. On dirait un magasin de jouets pour enfants, là. Bienvenue à monde des merveilles. Non, c'est monde des merveilles. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, j'avais compris, hein. C'est lui qui te reprend. Ouais, mais ma belle, excuse-moi, quel âge tu as exactement? Bah 21 ans comme tu m'as mail. Tu vas pas me dire, oui, mais enfin je suis vieux. Tu vas pas me dire, donc je perds la mémoire. Tu vas pas me dire que c'est nouveau pour toi de découvrir que les garçons, quand ils veulent un truc, ils sont manipulateurs. Enfin, ah non, c'est pas nouveau, mais c'est surtout que j'en ai marre de tomber là-dessus, quoi. Et ouais, c'est ça. Ouais, je donne beaucoup au mec et au final, je reçois jamais rien. Mais tu serais très très moche, tu tomberais sur personne. Oui, mais peut-être que tu donnes trop vite. Laisse-toi désirer un peu et essaie ah de non, non, non, non, tu vas pas rentrer dans ce truc-là. Ah non, ça va. Bah attends, si tu dis oui, tu on ramasser comme ça, ouais. C'est bon. En théorie, de toute façon, attends. Excusez-moi, il y a jamais personne ne sait à l'avance si la personne qui la drague ou etc. est une personne bien ou une personne pas bien. Ouais, bah ouais. Regardez le nombre de couples qui se marient, se trouvent t'es génial, et puis un an après, finalement, ils divorcent. Non, mais on est d'accord. C'est pas celui que je pensais, c'est pas celle que je pensais. Il y a beaucoup de mecs qui ont 20 ans qui veulent séduire des nanas juste pour un. On a le son, pas non, ils le cherchent. Je pense qu'on est en de reproduire un son de non, non, c'est un peu long. Ah, si, pas celui-là, il est qu'est-ce pas bien celui-là. Que tu viens de me mettre, mec. Non, c'est pas ça. Attends, attends. Non, non, non. Pas. Faut qu'il soit en deux coups. Faut qu'il soit un vieux klaxon. Ou un truc de bateau. Vas-y. Non. Là, c'est la grosse là, affaire. C'est le hum-hum de l'année, là, celui-là. Oui, parce qu'il y a tous les mecs qui veulent me. Ça va. Ouais, fois en deux fois. Pas mal, ça. Ouais, on va en trouver un pour toi. Oui, mais attends, je veux juste revenir sur un truc. C'est pas. C'est, t'es pas un mec pas bien parce que t'as envie de. Désolé. Un nouveau son à chaque fois. Ça veut dire quoi, ça? Parce que t'as envie de. T'es un salaud. Je suis. Oh. Tu vois, je l'ai mis. Il y avait rien à dire, mais je l'ai mis. Ça reste la nature. Attends, c'est vrai. Tous ceux qui ont envie de. Oui. Ils sont oui, pas forcément des bêtes, quoi. Oui, mais t'as des nanas. Ouais, mais pas quand tu te barres après. Voilà, et puis t'as des nanas qui cherchent l'amour et qui cherchent pas que du. Ça va être long, hein. Ah, ça va être chiant. Ah oui, mais au moins comme ça. Mais bon, j'aurai les doigts intacts. Non, bon. Mais c'est vrai, pour le coup. On cherche pas toutes que des mecs pour. Je compte dire combien de fois on cherche la même l'amour phrase. Mais on cherche l'amour, les gars. Mais elle là, le c'est cherche ce qu'elle aussi, cherche. C'est... Mais oui, mais elle tombe que sur des connards oui, qui veulent là. Mais souvent, avant de trouver l'amour, il faut faire le. Il faut s'entraîner. Voilà. Oui, mais pas tout de suite. Mais vous me fatiguez parce que c'est moi qui appuie sur le bouton. Je commence à en avoir marre si ça continue. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu te fasses plus désirer et que tu les fasses plus galérer avant de dire oui. Ah non. Mais là, si. Si le mec il galère et qu'il attend, et ben c'est qu'il en vaut la peine. Ça veut donc rien dire. Le dernier, il a attendu combien de temps? Deux semaines. Je parle bien pour te. Ah ouais, là c'est. Oui, bah oui. Deux semaines et ça n'a pas été une histoire d'amour? Bah non, surtout que quand ça dure 5 minutes, c'est pas très agréable quoi. Non, mais deux semaines déjà. Mais c'est... Il a galéré deux ouais, semaines. Ouais, mais ouais, il a galéré deux semaines quand même, donc elle a fait les choses bien, tu vois. Enfin, elle a fait les choses bien, c'est rapide attends, deux semaines. Il a galéré deux semaines, mais à part ça, quand ça dure 5 minutes et que tu sens rien à côté, en fait, au final, tu me dis, j'ai rien perdu. C'est trop. On parle déjà de choses qui sont beaucoup trop dures. Alors, on parle de timing. Non, j'ai entendu dire pas durer 5 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Excuse-moi, on va non, trop mais loin. En plus, c'est mauvaise là, parce que tu vois, t'es méchante derrière. Non, tu par balances. Contre, alors, excusez-moi, mademoiselle. Tu te prends pour une conne, tu peux que être méchant après derrière. Non mais ceci dit, elle a raison. Ceci dit, je pense que 15 jours, on est limite. Fais-le galérer un tout petit peu plus. 15 jours, mais vous voyez beaucoup. Vous êtes vu tous les jours en 15 jours? Bah non, parce que lui, il avait des cours. Donc mais vous voilà. Êtes vu combien de fois en 15 jours? C'est ça le truc. Oui. C'est pas la durée, c'est le nombre de fois où tu te vois. Si tu te vois qu'une fois en 15 jours, finalement, t'as attendu qu'une fois. Mais c'est quoi ce monopole, cette obligation d'attendre 15 jours après si t'as envie de. Si les deux ont envie, faites-le. Attends, il faut créer moment, une intimité, il faut aller au ciné, aller se faire non, qui a dit ça faut... C'est toi qui dis ça. Non, c'est, tu veux, c'est dans l'étape de la loi, il y a écrit faites-vous un ciné avant d'y aller. Mais tu vas boire des verres, tu rencontres les potes du futur mais mec. C'est pas une obligation, suis tes envies, bordel. Oui, mais si tu suis tes envies, ne t'étonne pas de pas bien connaître la personne. Exactement. Ah. Et qu'après, on te prenne juste pour un plan. Voilà. Ouais. Bon, hé, ma chérie. Le prochain, fais attention. Le prochain, fais gaffe. Prends un petit peu de temps. C'est pas la durée, c'est pas le nombre de temps, le temps que tu mets, c'est le nombre de fois où tu te vois. Voyez-vous, 4-5 fois, sans faire de sexe. Exactement. Des bisous, des machins. Mais si, en 4-5 fois, tu commences à voir si la personne ne pense qu'à ça. Si au bout de 2 minutes, la personne te dit bon, on va chez toi, c'est que t'as compris ce qu'il veut. Si au bout de 4-5 fois, il est content, vous prenez un resto et que tu sens que ça commence à venir, c'est que finalement, il était surtout content de te voir et ensuite le sexe vient juste après. Ouais, pour trouver l'amour, ouais. Parce que tu vois, j'ai mes meilleurs potes Emma et Audrey qui m'arrêtent pas de me dire arrête de donner aux gens quoi, arrête de trop donner, tu donnes trop de toi-même. Sauf que je suis incapable de faire ça. Oui, en fait, je pense. Tu dis trop facilement. Oh, oui. D'accord. La prochaine fois, t'attends quelques rendez-vous avant de dire non pour le. Ok. Je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse fort. Bon courage. Ouais, gros bisous. Bisous. Et à bientôt. Je t'embrasse fort. À bientôt. Et à bientôt sur Snap.

et bienvenue dans la première émission de France. Kin V sera notre invité tout à l'heure. Il fait combien de titres en live ? Deux. Oui. Alors je voudrais juste vous dire un truc, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans le public ici qui sont évidemment fans de Kin V, mais il y en a aussi plein devant Énergie. Ouais. Ouais. Ce qui est toujours un bon signe de popularité, cette histoire. Hein. Donc il y en a plein devant, et ce qui me dit que tout à l'heure, j'essaierai de faire plaisir à tous ceux qui sont aussi devant Énergie et ceux qui sont dans le studio. Parce que ceux qui sont dans le studio, bon, ils vont kiffer et tout, etc. Ouais. Mais il y en a peut-être plein qui sont dehors, qui disent oh, « je ne pourrais pas voir l'émission, je l'écoute dans mon coin ». Si vous m'écoutez à l'extérieur, je vous ferai une petite surprise à la fin de l'émission. Ah. On essaiera. J'avais pas parlé à qui. Ah ben, le dis pas. Ah, une surprise. Alors. Ah oui, c'est une surprise. Attends qu'il arrive. On fera une surprise. Non, on lui dit pas. Sinon, c'est pas une surprise. On lui dit pas. D'accord, on lui dit pas. Donc, en tout cas, il y aura Kin V. Jeudi, ne ratez pas, il y aura Robbie Williams. Émission de ouf, ouais. Spéciale avec il y aura Kinji aussi. Kinji, ouais. Kinji. C'était Kenji mais en version Lidl Price. Non, c'est Kenji le vrai. Je rappelle que nous allons bientôt passer le code de la route avec oui. Julie, c'est la semaine prochaine. Avec la prochaine. Poste, oui. Vous en êtes où là, Julie, j'ai vu passer ses tweets, j'ai même pas répondu. Combien j'étais de malade ce week-end, du coup j'ai révisé le code. Je n'ai même pas répondu tellement ses tweets ils m'ont agacé. Combien t'as fait? J'ai fait 5 et 2 fautes. Oh, tu te rapproches du but. Là. Ouais. Et toi? Hein? Toi, t'as pas bossé, toi. Mais après, ça dépend. Hey. J'arrive pas à passer en dessous de 7. Non, mais je te rassure, j'ai fait d'autres examens et je faisais 10, alors, 12. J'essaie un truc. Ouais. De voir s'ils peuvent changer la loi pour peut-être dire que 10 fautes, c'est possible. Ouais. Mais d'ici lundi prochain, je vais galérer, je pense. Hey, c'est chaud, c'est dans une semaine, Coco. Hein. Après, ils reviennent à 5. C'est pas que c'est chaud, mais c'est jamais tu roules en les moto. Questions légales sont imbouffables. Non mais... Que des pièges. Et puis, il y a des questions débiles, franchement. Coé, ouais. Entre nous, si elle y arrive. Ah, bah ça. Non, mais le pire, déjà. Te mettre un coup de pression, quoi. Le pire, c'est pas tellement ça. Ça serait drôle. C'est que si elle y arrive et je n'y arrive pas. Ah, c'est ça. Alors là, c'est là. Je te rassure, si je l'aurai pas. Si c'est le cas, je serai de mauvaise humeur jusque fin juin. Ça sert à rien de me faire revenir au studio. Ce sera mort. Si c'est quoi, je l'aurai pas. Elle viendra en Harley. Ouais. Allez sur mon Twitter, Coé officiel. J'ai fait une petite vidéo. Un périscope. Merci. Un petit périscope. Comme ça, allez la revoir, la vidéo. Chez vous, pouvez aller la voir. On a fait plein de trucs. On vous a montré la console, le studio, l'équipe et tout. Tout ça en antenne. On vous a même montré une technique pour mettre des gifles sans se faire mal. Oui, c'est vrai. Enfin, sans se faire mal. Bon, et puis alors là, on parle, on rigole. Mais pendant ce temps-là, Kim Kardashian. Oh là là. À la pauvre. Oh, bichet. Le drame. Oh, bichet. Franchement, la France s'est arrêtée de battre ce matin. BFM Télé, on sentait que c'était. Il y a eu que ça aujourd'hui. Hein. Ah, aujourd'hui, c'était. C'est vrai, hein. C'est vrai, ouais. C'est vrai, dans le monde entier, il y a encore des gens qui meurent de faim, des enfants qui se prennent des bombes sur la gueule, mais on sent que Kim Kardashian, c'était le truc le plus important mais de la matinée. On ne se rend pas compte de l'impact du truc. Hein, pour non, le mais c'est attends, vrai. Le monde entier, au niveau du tourisme, on est mal, là. Alors là, on est mal, patron, on est mal. Ouais. Parce que déjà, on n'était pas bien au niveau du tourisme. Mais, mais moi, c'est la question que je me suis posée. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, je l'ai mis sur Twitter cet après-midi. Mais quand tu prends l'avion, tu rentres des États-Unis ou machin, on te dit bien quand tu arrives, attention, la valeur de tes objets que tu as sur toi ne doit pas dépasser 10 000 euros. Oui. Elle arrive avec 10 millions d'euros. Oui, mais elle a un jet privé. Mais les douanes, c'est les douanes. C'est le passage, peu importe que tu viennes en cargo. Ah ouais, tu passes quand même la douane. Évidemment. La douane. Oui, sinon tu ramènes n'importe quoi. Les trafiquants de drogue, ils passent comme ça, tu as un jet privé. Mais c'est mon jet, monsieur. Ouais, mais je me disais, Kim Kardashian, elle se fait pas passer par la douane. Et même la douane, c'est les seuls qui peuvent t'arrêter à n'importe quel moment, même si t'es dans la ville, ils peuvent t'arrêter. Ok, et bah, je me demande comment tu peux passer 10 millions de bijoux, de machin. Et encore, ils ont pas tout piqué, il doit y en avoir plus. Ouais. Mais surtout, imaginez que les hôtels, est-ce que vous pensez que les mecs maintenant ils doivent avoir peur, les hôtels, de se dire qu'est-ce qu'on répond aux clients? Ah ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on répond aux clients inclus? Parce qu'il doit y avoir des touristes japonais qui doivent appeler les hôtels. Imaginez. Ouais. Je suis un touriste, vas-y, donnez-moi un truc. N'importe. Belge. C'est mon préféré. Parce que japonais, tu seras pas crédible. Non. Américain non plus. Ah non. Mais un belge non plus. Belge. Ah, si, tu le tiens bien. Je m'excuse pour mes camarades belges. Hein. On est numéro 1 là-bas. Imaginons, on appelle un hôtel et on leur dit que je suis très inquiet, voir comment ils rassurent leurs clients. Vas-y. Mais on le fait belge, on y va donc. Oui, oui. Vas-y. D'accord. Mais le belge qui n'existe pas, tellement il a un accent fort. Ah, mais ne te justifie pas, tu le fais très bien. Ouais, c'est ça. Faut que tu lances la ligne. C'est moi, c'est laquelle? Celui-là? Allez, on y va. Eh bien bonjour. N'exagère pas non plus, hein. Tu tiens bien. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir madame, les réservations s'il vous plaît. Au niveau des chambres? Oui, bien sûr, oui. Merci. Merci. Allô. Hôtel de Peninsula, Paris, la réservation de quoi? Bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame, je vous appelle pour faire une réservation. Et alors je suis un touriste belge, de surcroît. D'accord. Là, et on voulait venir à... Oui. Oui, et justement, je demande pour quelle date, s'il vous plaît. Oui, alors, c'est le problème, je vous explique. On va venir à Paris avec ma femme, et depuis qu'on a vu Kim Kardashian qui s'est fait braquer, on a un peu peur. Ah, d'accord. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je ne vais pas vous mentir, sans sentier détourné ni détour. On a une certaine frayeur avec mon épouse. Voilà. D'accord, mais ne vous inquiétez pas. Avez-vous une certaine sécurité? Voilà, exactement. Ah, c'est un établissement sérieux. C'est bien reçu. Oui, nous avons vraiment une équipe de sécurité alimentée. Avez-vous un parking privé? Et un parking privé, tout à fait. Parce que je ne voudrais pas me faire carjacker. J'ai pas envie de me faire carjacker. Des fois, c'est facile. Non, parce qu'on a quand même une Kangoo. Avec ma femme, on a acheté une petite Kangoo de 2008, là, qui vient de passer les 100 000 km. Ça, c'est rare. Donc, j'ai pas du tout envie de me faire carjacker l'auto en venant à votre hôtel. Hein. Ah oui, je comprends. Eh oui. Votre inquiétude. Je sais pas si vous le connaissez en voiture, c'est un budget, un Kangoo. Hein. Jaune, en plus, ça ne se trouve pas partout avec la porte latérale et les range-poches au-dessus de la tête. Ça, c'était pas facile. Dans vos chambres, vous avez des coffres-forts? Oui, tout à fait. Parce que je viens d'offrir une Swatch. Bien équipé, toutes les chambres et suites. C'est bien ça. C'est parce que je viens d'offrir une Swatch à ma femme. Elle y tient énormément avec un petit plastique, là, vous savez, autour blanc. Très joli, très joli. Voilà. Écoutez, je pense que ça va aller. Ma femme a un postérieur assez développé. Est-ce que vous croyez que c'est un critère de sélection pour les voleurs? Parce que je ne voudrais pas qu'ils passent devant, ils voient le postérieur de ma femme, ils me disent Kim Kardashian, elle est de retour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Grosse inquiétude. Oui. Grosse inquiétude du postérieur de ma femme. Grosse inquiétude. Parce qu'elle a assez imposant. Ah. Vous voyez? Vous êtes. Je suis. La voiture. Ou je suis la rue, je veux dire. Non, pas du tout, non. Je suis venu en bateau, madame. Attends. C'est rare de se garer en Paris dans bateau, c'est une énorme difficulté. Mais on se fait très rarement bateau de jacquet. C'est ça l'avantage. Donc, il n'y a pas de problème de sécurité? Non, pas du tout. Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous en prie. Je vais donc réfléchir pour la date et je vous dis. Très bien. À bientôt. N'hésitez pas. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Applaudissez-la parce que. Bravo. Elle a plu, hein? Elle est gentille comme tout. Nickel. Toi, comme quoi. Je fais une bise à toute la Belgique qui nous écoute. J'espère que ça va de votre côté. Ça, c'est DJ Snake et Justin Bieber. Ouais. Il y aura Amir tout à l'heure. Il y aura Zach Noël et Sean Paul, Alonso, Martin Garrix, Sound of Legends. Je vous ai fait un petit panaché de tout ce qui arrive. Oui, Gaguette. On a 4000 likes, la moitié. Ouais. Faites-moi le double. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. merveilles du monde. Le 7e art, le 7e ciel, mais le plus important, c'est la 7e saison de Koé sur Énergie. Koé, 19h-22h sur Énergie. C'est là que ça se passe, comme tous les soirs, avec tout à l'heure celui qui sera notre invité. Il y aura Kinvé qui sera là. Il y a plein de messages, hein. Je suis en train de regarder mon fil Twitter en même temps, hashtag Koé saison 7 ou hashtag Kinvé chez Koé sur Énergie. Entêté déjà. Bon, c'est bien, il y en a plein. Il y a Audrey qui me dit ça serait une bête de surprise. Ah ouais, parce qu'on a dit qu'on allait faire une surprise pour les fans qui sont devant Énergie tout à l'heure. Et ça vaut pour les fans devant et les fans. Ce sera très con, hein, mais on va essayer de s'amuser. Qu'est-ce qu'on aura d'autre encore? Il y en a un qui dit oh, Kevin est arrivé, dit Lauriane. Non, Kevin, il n'est pas encore arrivé. Kevin mais il va est pas sur tarder la route, je pense. Il y a merci Kenve qui nous dit en direct pour vous écouter. J'attends Kenve avec impatience. Vous nous écoutez sur Énergie et vous nous suivrez en live également sur le Facebook Live, puisqu'on va se faire une petite vidéo tout à l'heure. Ça va, Maju? Oui, très bien. Tout va bien, t'es en forme? Oui, plein de. On peut avoir une chambre avec mieux. La protection du kangourou. Hein. Oui, j'ai ça. C'est quand même un bon truc. On aura question pour un yeuf tout à l'heure. Vous connaissez le principe. On prend des personnes âgées au hasard en France, on leur pose des questions de jeunes. Ouais. C'est ça le question pour un yeuf. Mais là, c'est un moment que j'adore. C'est le moment de la maman la plus cool. J'adore ce truc-là. Qui a la maman la plus cool entre Laurine? Ça va, Laurine? Oui, ça va. T'es en forme, ma chérie? Oui. Comment elle s'appelle, maman? Elle s'appelle Karine. Est-ce qu'elle est vraiment cool? Oui. Vraiment, on appelle Karine. Je vais faire un petit bisou. On l'appelle tout de suite. Et regarde, Mika est en train de te donner les photos des mamans. Il y a des petites histoires aussi, si tu veux dire, une petite anecdote. Elle est toute mignonne, maman. Elle est jolie comme tout. Milf ? Allô ? Allô ? Bonjour, maman. C'est Koé. Bonjour, super, salut. Comment ça va, Karine ? Je suis contente. Ça va, merci. Et vous êtes super jolies les deux. J'ai la photo de la fille, j'ai la photo de la maman. Vous êtes deux cœurs. Regarde comme elles sont belles. Oh, merci. Non, c'est vrai, vous êtes jolies comme tout. Qu'est-ce que j'ai sur le mail? J'ai 13 ans, elle m'emmène ma maman à plein de concerts, surtout au concert d'Mtokora et de Star 80. Ah oui, dis donc. Elle est très cool. Ça change. Ah oui, c'est un Mtokora et deux concerts de vieux. Et on fait souvent du shopping, on va au ciné, je me pique des fringues, c'est trop bien, on se tape des délires ensemble. Ma mère, elle est trop cool, c'est la meilleure. C'est mignon, ça, non? Ah, c'est mignon. Ouais, c'est super gentil. Laurine, fais un bisou à maman. Bisous, mamounette. Oh, mamounette. Ah, c'est trop mignon. Mais contre vous, ça, il y aura Robin. Robin, 16 ans, ça va, Robin? Ça va. Ça va, t'as la forme, t'habites où, Robin? À Grisac. À Grisac, on va appeler maman. Il nous dit, ma mère, c'est la plus cool, j'en ai la preuve. La dernière fois qu'on a fait les boutiques, elle s'est acheté la toute dernière paire de Reebok sortie. C'est la... Et c'était la première personne de la boutique à s'être acheté cette paire. Allô, la maman de Robin. Oui, il paraît, oui. Comment ça va, c'est Koé? Il paraît. Oui, bonjour. Mais dis donc. Je ne croyais pas, mais si, visiblement, mais c'est vrai, si, oui. Mais si, souvent les gens me disent, ah, je ne croyais pas, mais si. Qu'est-ce que c'est que cette photo que nous a envoyé Robin avec un verre de pinard à la main? Ah bon? Ah, il y a une grande histoire derrière, mais je ne sais pas si je vais la raconter parce que je risque de faire des envies en plus. Donc ça dépend quel genre d'histoire. Vous savez, attention, en ce moment, on fait attention à ce qu'on raconte. C'est... Allez-y, je vous dirai si c'est. Allez-y. Oui, non, c'est tout à fait racontable. C'était à l'occasion d'un repas à dégustation dans une grosse propriété sur Saint-Émilion, un grand cru. Ah, donc, super histoire. Là, vous bien. Je m'attendais à un truc très, de mal à me dire. Très, très grosse histoire. Voici maman, voilà. Moi, il a plus cool en combien de questions? 5 questions. Comme d'habitude, oui. Voici la première question, on va commencer par Karine. Karine, à la maison, le repas, c'est plutôt steak frites ou 5 légumes par jour? Allez, je dirais 5 légumes par jour. Ah, Véronique, à la maison, c'est quoi? Oui, la même chose. 5 légumes par jour. Ah ouais, rigole pas les mamans. C'est, ouais. La plus cool, mais faut pas déconner que la bouffe. Ouais. Deuxième question, série télé préférée, Véronique? Une série, une fiction, un truc que tu regardes? Je regarde pas vraiment la télé, donc plutôt lecture. Alors forcément, série. Karine, la dernière, c'était Quantico avec mon fils, qu'on a beaucoup aimé. Quantico, mais, pas mal. Quantico. Ouais, voilà. C'est pas mal ça. Ouais. C'est un truc qui est passé sur... C'était TF1 ou M6, Quantico? Ouais. TF1, je crois. C'est la 6, je crois. Je me demande si c'est pas la 6. C'est ce que j'ai dit. Karine. C'est ça. Alors moi, ma série qui est préférée, c'était Falco. Ah, c'était TF1 ça, avec le beau gosse. C'est ça, hein? Ah ouais. Je connais ni l'une ni l'autre. Non, moi non plus. Pas mal, Falco. Ah ouais? C'est pas Joséphine Ange Gardien non plus. On met le point à qui, du coup? On va dire égalité partout, là. Il y a l'égalité. Troisième question. Quantico, c'est vachement mieux, hein? Oh, Véronique. Tiens, t'as bien fait de l'ouvrir, Véronique. Véronique. C'est parce que t'as pas vu Falco. Véronique, chante-moi un bout d'une chanson, n'importe laquelle, qui passe sur Énergie. J'ai coupé la musique derrière pour pas t'en embrouiller. Non, celle-là, elle passe pas. Bah, elle va toutes sur Énergie, donc il y a des nouveautés qui arrivent sur Énergie. Alors forcément, Karine, fredonne-nous une chanson qui passe sur Énergie. Oui, forcément. Cette année-là, je chantais pour la Il y a de la douille là. Et on le passe pas, je crois. Elle passe pas. Et je crois qu'elle passe pas. Elle passe pas en plus. Elle va passer, mais elle passe pas encore. Je pense, oui. Véronique, on essaie de se rattraper une chanson. Allez, tu peux marquer un point là, Véro. J'ai rien qui me vient. Moi, je. Voilà. Je vais mettre un point à Karine. Je suis un peu bloquée là. Je suis prise de court. Il y a plein de chansons que je connais, et il y en a aussi qui me viennent tout de suite. Tant pis, le point il va à Karine. Véronique. Mon fils. Véronique, quelle est la pire punition que t'es donnée? Ah, la pire punition. Plus de téléphone. Ah, c'est dur. Pendant combien de temps? Ah, ouais. C'est le talon d'Achille, là. Pendant combien de temps? Téléphone. Dans quasiment un mois. Ah ouais, c'est dur, là. Karine, quelle était la pire punition? Alors, sans mentir, j'ai une fille tellement mimi et sympa qu'on la punit pas souvent, quasiment jamais. Ah oui, mais quasiment, c'est pas totalement. C'était quoi la dernière? Allez, la dernière, c'est, je dirais, on la laisse pas regarder la télé le soir. Ça va. Pendant 5 ans. Non, pas pendant 5 ans, mais comme dit, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est tellement mimi qu'on n'a pas souvent à la punir. Le téléphone pendant un mois, tu n'arrives pas. Dur, hein. Excusez-moi, pour l'instant, la maman la plus cool, c'est Karine. C'est Karine, ouais. On fait la dernière question. Histoire de dire, comment êtes-vous habillée le dimanche, Karine? En jeans, basket et un petit haut sympa, quoi. Véronique? Oui, ben moi je commence tout de suite avec la petite jupe, c'est des baskets et le t-shirt de sport pour aller s'aérer. Voilà. Véronique, nous on met un point, mais si je calcule bien, ça suffit pas. Ouais. Julie. Bah, si tu mets le point à Véro, il y a égalité. Non, mais si là, c'est pareil, hein. Il y a égalité. Oh, vous faites chier. Mais elle avait deux. Avant que tu poses cette question, Karine a deux points, Véro en a une. Donc si tu lui donnes le point, il y a deux. Ça fait deux. Si votre enfant veut se faire tatouer un dauphin, pourquoi pas, vous lui dites quoi? Moi, je lui dis, ok, tatouage, j'en ai pour, donc. Ouais, mais un dauphin, quoi. Véronique, un dauphin. Le dauphin, il grandira avec lui, le dauphin. Ok. Si, selon ce qu'il bouffe, ça peut devenir un cachalot. Karine. Karine. Tant que ça lui plaît à elle, elle pourra faire ce qu'elle veut. Attends, c'est lundi? Ouais. Julie, on avait quoi comme cadeau? On avait des Xbox One. Des Xbox? Ouais. Des Xbox One. Avec un Z. On avait Xbox One. Ouais. Ou pour Laurine ou pour Robin. Exactement. On est lundi. On en offre deux pour les deux familles. C'est bon. Ça nous fait plaisir. Regardez les gens, ils chantent, ils sont heureux, ils font. Comme dans le film américain, tout le monde court nu. Non, pas nu. Pas nu, ils sont habillés. Je vous embrasse les deux. J'adore ce jeu avec les mamans. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement. Sans toi, oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait qu'on a tous un

Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Une seconde avant, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Élise était enceinte de notre premier enfant. Mais la seconde d'après, quand j'ai vu cette voiture me couper la priorité, j'ai bien cru que tout était fini. Heureusement, Élise n'était pas avec moi dans la voiture. Et notre fils a pu voir le jour. Grâce à lui, j'oublie un peu mon handicap. Chaque priorité respectée, c'est un risque évité. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions? Oui, Catherine? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedieric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. Écoutez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. Et gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3. Disponible le 7 octobre sur PS4. J'aurais pas dû dire non. Avec Énergie, Eat Music Only. Depuis quelques mois, ma consommation augmentait. Pourtant, je roule normalement. Vérifiez votre filtre à air. S'il est encrassé, ça peut expliquer votre consommation. C'est compliqué à changer, ça, non? Il est très simple de le changer soi-même. Oscaro.com vous donne accès à toutes les références de filtre à air jusqu'à 2 fois moins cher. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. And now, ladies and gentlemen. Qui c'est qui est là? Venez nous voir, inscrivez-vous. Mais arrêtez d'applaudir comme ça. Ça fait bizarre là, ouais. Mais arrêtez, vous me faites flipper. C'est ouais. L'impression que c'est enregistré. Comme signe, toi. Ah, il leur a dit stop. Donc mais enfin, sont tu leur dis pas stop comme ça. Laisse-les vivre, laisse-les respirer. Ah, en plus, j'en dis juste ça en fait. Mais t'es fou, signe du toi. Doigt. Enfin, ils étaient là, ils étaient en pleine joie et tout d'un seul coup, ils s'arrêtent net. Mais c'est pas de ma faute. Mais enfin, s'ils font ça, t'es dingue. Jonas Blue, ce sera vendredi. Il y aura Kinvey qui sera là tout à l'heure. Et pour la peine, on va reprendre la sortie de pub. On va redémarrer avec un applaudissement de public normal. Que là, tu me fais très très peur. On y retourne. Attention. And now, ladies and gentlemen. Pression que j'ai. La pression, ouais. Voilà, c'est ouais. Mieux là, c'est mieux. Ça y est, c'est pas ouf encore au niveau du naturel. Mais ça y est, on y est. Julie, pas mal, oui. Il va y avoir la possibilité de gagner encore les box all inclusive comme on a fait la semaine dernière grâce ouais. À la Société Générale. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, vous allez vous inscrire sur boxallinclusive.com. C'est ça. Et vous cliquez sur la box qui vous intéresse et vous mettez. En fait, vous faites votre cadeau, votre marché de Noël. Ouais. Il y a des séjours à l'étranger, il y a des un an de soirée. Quoi? T'as dit séjour à l'étranger. Mais non, mais j'ai plus de voix, c'est pour ça que je perds ma voix des fois. Il y a un an de soirée grâce au code Last Dance, le fameux code. Let's dance, pardon. Pourquoi je dis Last? Parce que je perds ma voix. Je dis n'importe quoi, parce non, que je perds ma voix. Non, je filme en fait. Last Dance. Last Dance. Non, ouais. Vous mettez le code Last Dance et vous avez un an de soirée en plus dans votre box. Quel film Last Dance? Last Dance, c'est quel c'est film? C'est un film de danse. Non? Si. C'est Flash Dance. Non, il y a Last Dance. C'est quoi ce film? Je suis sûre. Liguette. Ah oui, il y a des compètes de Corée et tout ça, les gars. Et il y a 1, 2, 3 et 4, je suis sûre. Oui. Est-ce que t'as vu comme je te le dis, bien sans existe. Musique derrière? Ça existe. Last ça Dance existe. Oui, ça existe. C'est un truc de fille, c'est pour ça que vous connaissez enfin, pas. Enfin, ça se dit, c'est Save the Last Dance. Ouais. Bon, ça enfin, passe. Bref. Ça passe pour cette fois. Enfin, là n'est pas le sujet. Il y a des grosses donations à gagner. Fais pas le malin. Dans un instant, Maxime. Ça va, Maxime? Oui, allô? Ouais, ça va, mon pote? T'es en forme? Ça va et toi? Oui, de quoi on parlera dans un instant, Maxime? Bah alors voilà, en fait, j'ai un problème avec ma copine. Oui. C'est que en fait on a 14 ans et puis ça fait un an et demi qu'on est ensemble et on voudrait passer à l'acte, mais on sait pas si c'est trop tôt. Attention, peut-être trop tôt pour en parler, hein. On en parle dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on ait une pensée. C'est important des fois de savoir, de penser aux autres. Ouais. Nous avions parlé il y a quelques mois, et je sais que quand on en avait parlé dans cette équipe, tout le public avait fait... Un monsieur s'était fait mordre le... En faisant pipi dans des toilettes. Ah oui, exact. Il s'était assis par une araignée. Ah, oui. Une araignée était arrivée en dessous, il avait été pris de fortes douleurs, de nausées. Il s'appelle Jordan, il s'était fait piquer le... par une araignée. Et ben le mec, tout le monde en avait parlé, le monde entier s'est foutu de lui. Et ben sachez que le gars, il s'est dit, allez, à un moment donné, il s'est pas servi des toilettes pendant des mois. Il s'est dit quand même, on va pas y aller. Il a regardé sous la cuvette pour s'asseoir et tout. Le mec, il a tout checké. Il s'assied. Et à ce moment-là, il se tord de douleur. Il y a une araignée dont il ne connaissait pas l'espèce qui lui a encore mordu le. Ah, là, là, ah, il s'est fait repiquer le deux mec. Deux fois de suite, le loser. Deux fois de suite. Je pense qu'à un moment donné, le mec, il doit utiliser un gel douche odeur moucheron. Tu m'étonnes. Et l'araignée, elle arrive, elle fait tiens, ça sent le moucheron. Bienvenue sur Énergie, je m'appelle Koé, 20h tout pile. Voici Zach Noël et Sean Paul. Bobbly, bobbly. Bonjour. Yo, c'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy. And them say you have the comedy. Some me won't get some and come trouble. Bust two buckler, the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot, she a bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Honey look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Honey body may take up a permanent residence. Trumpets blow. Seule personne de petite taille, c'est Julie. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On va sur Énergie, tout le monde. Dans quelques minutes, on sera le titre d'Alonso. On s'écoutera ça j'aime bien. Non, je crois qu'il y a un accident là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis mordu la langue de ouf. Essaye. Oh, il saigne de la langue. Fais voir. Viens voir ton coco. Viens voir ah, ton coco. Ah, ça saigne. Viens voir. J'ai envie. Oh, le pauvre. J'ai besoin de voir. Il a croqué dans son croque-monsieur. Il s'est croqué la langue. Ouais, moi, tu sais ce qui m'arrive depuis deux jours? Ce que je vais vous raconter ne va intéresser personne. Je me mords là, l'intérieur de la lèvre ah, devant. Ça fait mal. Je sais pas si des fois ça arrive à des gens. Tu te la mords et puis ensuite t'attends un petit peu, tu fais plus attention. Oui, tu te la mords, c'est une façon de parler. Oh, oui, oh. Hey, parlez pas du. Parce que c'est encore. C'est vous qui avez mauvais esprit, c'est moi qui prends. Après, ça va. Non, je disais, tu te mords le bord de la lèvre. Et tu sais, tu fais pas attention, ça gonfle. Oui. Et genre, 3 heures après, blam, tu remords. Comme le mec avec l'araignée. Oui. Qui se fait piquer deux fois. Et bah, c'est exactement ça. On ça fait. Un mal de chien. Ouais, ça fait bobo. Hein. Mais croque-monsieur, c'est juste le nom du truc, c'est pas. Elle est bonne cette vanne. C'est drôle, oui. J'ai pas trop osé, je croyais que c'était une vieille vanne. Non, c'est bien. Non, elle est pas mal. Le mec qui mange un croque-monsieur, il se croque lui-même. Elle est pas mal, Guiguette. Allez, me liker la photo, on bat le record du monde. Dépêchez-vous. Il faut qu'on soit à 8000 likes. À combien on est, Guiguette? 6100 likes. 6100, c'est bien, ça progresse vite. Je veux battre ce record. On a fait venir le juge d'Angleterre, faut pas qu'il vienne pour rien. On fait un bisou à Maxime, 14 ans de Lausanne. Ça va, Maxime? Maxime! Il est loin, il est à Lausanne. Julie, sors, va prendre l'air. Ouais. Non, va prendre l'air. J'essayais de faire aussi la guéguette, mais ça marche pas. Va te détendre, va courir dans le couloir. Ouais, mais genre 2-3 mois. Ouais. va courir 5-6 mois dans le couloir, ça peut être sympa. Bon, t'es là, mon pote? Tout va bien? Ouais, je suis là. Je m'appelle Maxime, j'habite en Suisse. Je fais un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent en Suisse. Il faudra que je vienne vous revoir un de ces jours. J'adore la Suisse. Je voudrais parler d'un sujet assez important pour moi. J'ai 14 ans avec ma copine, on aimerait bien passer à l'acte. Ah, pour faire. Mais vous vous demandez si c'est trop tôt. Bon, 20h, ça va. Va courir avec Julie. Va courir avec moi. Bon, quel âge a ta copine? 14 ans. Aïe, c'est toujours le même problème. Bah, c'est l'âge auquel ça commence à titiller. Non, c'est l'âge auquel tu y penses. Tu commences à y penser. Pas censé être l'âge où tu le fais. Moi, je l'ai fait à 14. Moi aussi, hein. Bah, excusez-moi, il y a un moment donné, c'est pas parce qu'il y en a qui. Non mais je regarde pas, c'était un très bon souvenir. C'est pas parce que tes copains ils sautent du pont que tu vas sauter du pont. Non, mais il faut le faire quand t'es amoureux. Est-ce que t'es amoureux? 14 ans. Ouais, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il l'a dit, ça fait 1 an et demi. Alors. Ah bah alors je suis pas d'accord. Il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire amoureux. Ils sont bien tous les deux. Ils vont découvrir ça ensemble. Elle a jamais fait non plus. Non. Donc ensemble, ils vont tout découvrir ensemble. Ça va très bien se passer. Ils vont être encore plus amoureux et rester ensemble. Il vaut mieux faire ça à 14 ans qu'à 16 ans dans les chiottes d'une boîte. Voilà. Avec un mec que tu connais pas. Exactement. Voilà. Ouais. Merci. Bonsoir. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si 14 ans c'est trop tôt. Mais c'est trop tôt. Mais moi, je vais vous le dire. Excusez-moi. Les deux là qui me font genre parce qu'ils l'ont fait à 14 ans. Vous trouvez ça génial? Moi, je vous le dis, c'est trop tôt. Non, on est d'accord, c'est tôt. Ouais. Mais par contre, il faut que tu le fasses quand tu te sens prêt. Mais s'ils se posent la question, c'est qu'ils sont pas prêts. Ah, peut-être après. Moi, j'ai fait à 14 ans. J'étais chef de bande dès le lendemain. C'est pas parce qu'il y en a qui font des trucs super tôt que c'est bien. Il y a des gens qui fument à 11 ans. Parce que tu fumes à 11 ans, c'est bien. On est d'accord. Et à un moment donné, je trouve qu'il y a un âge. Il faut y aller par étapes. Est-ce que vous avez déjà fait des bisous. Ah, des bisous. Bah, oui. Ouais. Non, mais est-ce que vous avez fait un peu plus que des bisous? Ouais, vite fait, on va dire. Mais ouais, touche pipi. Et ben voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a un moment donné. Il faut prendre le temps et y aller par ordre. Pourquoi tout de suite faire l'amour? Mais ça, c'est vrai. Vous avez le temps de jouer, vous avez le temps de découvrir le corps. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous avez le temps de découvrir. Il l'a déjà fait. Tu vas fermer ta gueule, que je puisse finir de parler. À chaque fois, il coupe la parole. Oui, en plus, soigne ta langue. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez le temps de découvrir des trucs, de découvrir justement des jeux de langue, de découvrir les caresses, de découvrir toi, le corps de ta copine, que ta copine découvre le corps de l'autre. Parce que si vous faites les trucs trop vite, vous vous connaissez pas bien, alors vous allez, excusez-moi l'expression, un peu vous emboîter parce que vous avez tous vu comment ça se passe. Oui. Mais c'est pas ça, faire l'amour. Ça va être juste, ah bah ça rentre. Génial. Oui, mais s'ils ont déjà fait tout ce que t'as dit et qu'ils se connaissent, ça fait un an et demi qu'ils sont ensemble. Il y a un an et demi, il y aurait peut-être trop, ils avaient 12 ans et demi. Enfin, ouais, très jeune aussi. À mon avis, vous en êtes où là? Vous en êtes où? Attention, attention, hein. Il est prêt à sortir celui-là. Hein. C'est qu'à le dire. Bah, je comprends pas trop la question que vous Est-ce que vous avez fait des préliminaires? Des tout petits préliminaires ou quasiment pas des de préliminaires? Des petits. Alors prenez le temps de faire tranquillement. Prenez le temps de faire des moyens préliminaires, des gros préliminaires, de faire des plus gros préliminaires. Prenez votre temps, apprends à voir ce que ta copine elle aime bien en faisant ça, ce que toi t'aimes bien quand elle te le fait, que vous connaissiez bien le corps de l'autre. Exactement. Déjà, essaie de bien connaître ton corps, mon pote, parce que je suis un garçon. Et quand on a 13-14 ans, dès qu'on a deux secondes, nous les mecs, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, on joue avec. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on le fait bien et qu'on se connaît bien. C'est vrai. Prenez votre temps de vous découvrir. Tu dis, ah, ça, ça lui plaît quand je fais ça. Ah, bah, ça, ça lui plaît pas. Ça, ça lui plaît et tout. Et puis, quand vous avez fait, ça va bien vous prendre un bon deux ans. et là, vous aurez 16 ans et vous aurez fait les trucs dans l'ordre. Et là, faites l'amour. Mais il y a des trucs à faire avant parce que vous allez rater plein d'étapes. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est comme si vous disiez, on vient de se rencontrer, on a 18 ans, on a fait l'amour, semaine prochaine, club échangiste. Bah non. Il y a des trucs à faire entre les deux. C'est comme si t'étais sur un jeu d'arcade et que direct t'allais niquer le boss. Bah non, il y a des étapes avant. Quand tu fais Donkey Kong, t'es pas en finale tout de suite. Voilà. Tu fais chier à monter les escaliers et éviter les tonneaux. C'est pareil. Voilà. C'est vrai. C'est pareil. Et à la fin, t'as la princesse. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as mis ce son? S'il te plaît. Attention à ce que tu vas dire. Non, parce que depuis tout à l'heure, on met des trompettes, on met des machins, et l'autre, il me met, j'ai mis celui-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a un rapport entre ça et ça? Non, c'est un rasoir en plus. Va me trouver un autre son, un rasoir électrique. Appuie à trompette et pas rasoir électrique, klaxon. Bon, je te fais un gros bisou, mon pote. Mais je voulais juste poser juste une question vite fait. Oui, qui a rien à voir avec ça. Est-ce que vous allez refaire des lives YouTube? Ah, de la maison? Ou de la radio? De la radio. Ah, tu t'en fous de chez nous, c'est ça, t'en as rien à faire. Hein. Bon, on en fait un tout à l'heure. On en fait un avec Kenji et Facebook Live. Pareil. Et Roby. C'est le même principe. C'est des alors, lives, quoi. Alors bah, t'as raison de poser la question. C'est une bonne question, hein. Jeudi. Parce que je vois que vous êtes sur Facebook, tout ça. Et mon pote, bon, jeudi, pour Roby Williams et Kenji, on fait un YouTube live. C'est ça, on fait ça? Ouais. D'accord. Bah, moi je voulais, mais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, non? Loris, il préfère un Facebook. Elle voulait pas. Non, le Facebook. Oh, salaud! Attendez, si on fait un Facebook Live aujourd'hui. Enfin, on fait un YouTube. Comme ça, on fait plaisir on fait tout à tout le monde. Je suis d'accord. D'accord? Allez, mon pote, jeudi soir pour toi et tout à l'heure avec Kinvé, on le fera sur Facebook. Sur Facebook Live. Je te fais un gros bisou. Bah, merci beaucoup. Je t'embrasse. Et prenez votre temps. Prenez votre temps et surtout quand vous le ferez, prenez des capotes. C'est important. Oui, protégez-vous. Ça, on en parle jamais aussi. Gros bisous, mon pote, à bientôt. Merci beaucoup. Voici Alonso avec Binta sur Énergie. Salut, il y aura Martin Garrix tout à l'heure et la suite de nos conneries. Vous tous, 0870 42 48. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des blagues, car elle est dans le cœur de tous mes scalas. De Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme Saddam. Soleil de minuit, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta. De partout elle fait des avances, elle n'a pas que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Tu voudrais l'abattre, mais ton auras du mal. La petite est maligne, elle va te dépouiller. Ça y est, elle est là. C'est forme animale, te donne la dalle. Toi, comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller. Ça y est, elle vient. Kinvé. Le soir sur Énergie, il y a Koé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Oui. Ben non, j'ai dit que c'était Koé. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Bienvenue dans la salle d'émission en public. Chaque jour, on se fait une émission en live sur YouTube et en même temps que vous nous écoutez sur Énergie avec Robbie Williams qui sera là. Le nouveau de Robbie Williams, c'est celui-ci qui est vachement bien. Ouais. Ah, il est marrant. Avec un clip qui a dû coûter un peu de blé. Hein. C'est pas le truc, c'est pas l'iPhone, c'est celui-là. Il y a un bon casting aussi dans le clip. Il s'emmerde pas, il n'y a, a pas un mec dans le clip. Là, il se fait pas chier une seconde. Mais. Jeudi en même temps, il y aura Kenji. Moi j'ai des demandes pour Kenji, j'ai des demandes pour Robbie Williams, je sais plus où les mettre. T'as pas des demandes pour les Energy Music Awards aussi? Si, ça commence. Ah, ça commence. Ouais, tu penses bien, évidemment que ça commence, tu penses bien. Jonas Blue, vendredi. Ça c'est le genre de truc, généralement les gens ils écoutent, ils dansent dans la bagnole, ils savent pas qui chante, mais ils trouvent ça vachement bien. Bah, Jonas Blue, ce sera donc vendredi et c'est à ne pas rater. Et si on faisait un question pour ailleurs? J'adore. Ah ouais, ouais, ouais. J'aime ce jeu. Appelons. Boum. Appelons quelqu'un au hasard. Attends. Coupe-moi là celle-là. Tu peux couper celle-là? Tu peux pas trop tard. Si on joue, on appelle. C'est parti. Ah non, c'est bon, tu l'as coupé. Appelons. Là. Bienvenue sur la boîte vocale du 05. Ah bah là, coupez-moi ça, s'il vous plaît. On va essayer d'appeler Pierrot, qui visiblement s'est mis sur boîte vocale. Ah. Je rappelle que si jamais tout à l'heure ils ont une bonne réponse, s'ils ont une mauvaise réponse. Allez. Voilà. Et même, on a fait pas fait chier, on a pris exactement la même. C'est le même grillage. Hé, hey, oh. Souffle. Attends. Vous avez vu, attends, je suis occupé. Est-ce que vous avez vu qui ne contrôle pas du tout cette émission? Ah. Non, mais Stoff, c'est parce que tu viens de parler de Robbie Williams, du coup, on l'a perdu là. Ah, non, je lui dis, je rappelle. Attends. Attends. Pas me faire chier quand même, non, il attend. Non, mais il marchait il y a 5 minutes, donc du coup. C'est quoi? Engueule-moi, vas-y. Okay. C'est de sa faute à lui, évidemment. Ouais, c'est ta faute. Ouais, c'est ça. T'as pas lancé la ligne quand il fallait. Vous n'avez pas tenir votre antenne. Et c'est l'autre en attendant, peut-être. Vous tenez pas votre émission, c'est n'importe quoi. Et c'est l'autre en attendant. Oui, bien sûr. Oui. J'appelle l'autre. Introduis l'autre. Bon, un Pierre. Pierre et Pierrot. Ah, la Pierre et Pierrot. C'est la totale. La Pierre. Ah, on est dans le jeu. C'est l'autre, mon père. C'est vrai qu'il s'appelle Pierre. Ah oui. Pierre. Bah, Pierre et Pierre. Famille, il n'y a que des Pierres dans la famille. Allô, Pierre. Allô. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Koé, comment ça va? C'est de ma gueule, ça va très bien. Mais c'est Pierre, le papa de Pietre. Oui, la papa de Pierre. Papa de Pierre. Bonjour, papa de Pietre. Bonjour, papa de Pietre. Ça va? J'adore Pierre. Mais Pierre, on vous adore. Un jour, vous aviez pris le micro ici, on s'en souvient encore, Pierre. Ah ouais, et j'ai encore des messages sur Twitter de gens qui me disent. Dis donc, tu vas dire bonjour à ton père, oui. Quand est-ce que ton papa y revient? Ah ouais, bonjour, papa. Bonjour mon fils. Mon fils adoré. Pourtant il en a fait des conneries. Hein. Ouais, c'est toujours votre fils adoré malgré tout. Ah oui, je lui pardonne. Je lui pardonne tout. Oh là là, c'est le meilleur des papas. Papa, c'est le plus cool. Faudrait que je le fasse jouer aussi. Bon, Pierre, vous allez jouer à question pour un yeuf. Désolé. Et vous allez jouer contre qui? Pour l'instant, vous jouez contre Pierrot, tout seul. Normalement. Contre qui, Stouff? Bah Pierrot, mais on essaye de l'avoir là. Et on va pas passer 12 heures si on le faisait Pierrot. Après la pub, de toute façon, il y a la pub qui arrive. Ouais, et Pierre, vous avez rien de prévu dans les 5 minutes qui viennent. On vous laisse une chance au standard. Là. Bah, j'ai rien de prévu, j'ai commencé à dîner. Hein. Vous dînez quoi? Qu'est-ce que vous mangez? Souper. Pardon? Qu'est-ce qu'il y avait à manger ce soir? Ah bah j'ai commencé par des hors d'œuvre quoi, rillettes, tout ce qu'on veut quoi. Ah on attaque la rillette un lundi soir, ouais. On est bien au niveau du cholestérol chez les pièces. J'ai pensé à vous qui mangez toujours au casse-croûte. Ouais. Ah,

celui qui sera notre invité, on le kiffe chez nous. Hein. Ce sera Kinvé qui sera là avec du monde dans le studio. Il y a du monde devant Énergie. Tout à l'heure, on se fera une surprise en fin d'émission. Ouais. Ouais. Un truc que vous allez kiffer, restez avec nous jusqu'au bout. Si en plus, vous avez la possibilité d'allumer l'ordi, vous faites un petit coup de Facebook Live ou sur le téléphone portable, vous nous verrez, vous allez kiffer. Vous aurez comme si on était chez vous. C'est un peu tout pareil. Voilà, suivez-nous sur Snap. Moi, c'est Koy Off. Sur Insta, c'est Koy Officiel. Et d'ailleurs, sur Insta, on est à combien? On a 7200 likes. Ah là là, on avait dit 8000. Là, c'est pas fini. Attends, ça va. Bon, faudra on se dépêche, il y a mon papa qui attend là. Oh, pardon. Bienvenue à Question pour Ayam avec le papa de Pietre. Si vous venez nous rejoindre, ça va, Pierre? Ouais, ça va. Bah, avec nous, on va faire 10 000. Hein. Ah oui. Ah, on like. On like. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux l'humour familial. Bah, en fait. Tu vois. Il y a un truc. Alors, contre vous, il y aura Pierrot qui habite l'île de Léron, c'est ça? Dolus de Léron? Ah oui, moi j'habite à l'île de Léron, oui. Ça va, Pierrot? Ça va, ça va. Oui, oui, ça va. Ah, bah, le surnom de mon père, c'est Pierrot aussi. Ah, oui, bah, alors, non. Le papa de Pietre, on va l'appeler Papa de Pietre. D'accord. Ouais, je suis à Gisors, moi, avec les bolos. Qui a dit ça? Ton papa? Ah, c'est le papa de Pietre. À Gisors avec les bolos. Voilà. Donc, Papa de Pietre contre Pierrot. Ça va, Pierrot? Il a fait bon sur l'île de Léron ou pas? Oui, je me suis fait bronzer aujourd'hui, ouais. Bah, il doit être bronzé toute l'année, Pierrot. Bon, alors, attention. Pierrot, on l'appelle le point soleil. Je suis un peu moins, moi. Bon. Ouais, à Gisors, hein, ouais, c'est non, moyen. C'est pas la... Voici les questions. Écoutez-moi bien. Il y a à chaque fois 3 propositions. Voici des questions de jeunes. Comment dit-on menteur en langage jeune? Est-ce qu'on dit bolos, justement, poucave ou mytho? Pierrot. Mytho. Oh. Bon, mytho. Mytho, ouais, pour les deux. Ouais. C'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. On commençait facile. On commençait facile. Comment dit-on « ça s'est déroulé sans aucun souci » en langage jeune? Pardon, ça, je j'ai répète. Rien entendu. Eh ben, attends, Pierrot. « Ça s'est déroulé sans aucun souci ». Comment dit-on ça en langage jeune? Sans souci. Papier déroulé. Oh. Ah, attendez, je vais la refaire. Non, je vais la refaire. Écoutez-moi bien. Comment dit-on « ça s'est déroulé sans aucun souci » C'est une expression, hein. Ça s'est déroulé sans souci. Est-ce qu'on dit « sans souci » ou est-ce qu'on dit « c'est passé crème » ou est-ce qu'on dit « pas comme Kardashian » Pierrot, de l'île de Léron. C'est passé crème? Non, ça s'allume bien celui-là. Ça c'est Papa de Pietre. Tu t'appelles Papa de Pietre, t'habites pas dans l'île de Léron. Okay. Alors, Papa de Pietre? Ouais. Eh, les Pierrot, vous me saoulez, là. Oui, on va aller tous ensemble. Pierrot, attends, quelle idée d'avoir pris de Pierrot, les gars. J'ai rien compris. Ça, vous me mettez mal au crâne. Papa de Pietre a bien répondu. C'est pas crème. Alors, attends. Papa de Pietre. Vite, on va en perdre. Alors, Pierrot de l'île de Léron, écoutez-moi bien. Vas-y. Oui. Comment dit-on, ouvrez les guillemets, ça s'est déroulé sans aucun souci, fermez les guillemets, en langage... Ça s'est déroulé. Tu n'y arriveras jamais, je crois. Ça s'est déroulé sans aucun souci. Comment on dit en langage jeune? Ça s'est déroulé, mais ça veut rien dire, ça. Si, ça c'est une phrase mais normale. Si, mais si, genre vous êtes allé aux toilettes, et là vous sortez des toilettes, vous dites, ça s'est déroulé sans aucun souci. Ah, oui. Voilà. Est-ce qu'on dit sans souci, c'est passé crème, ou pas comme Kardashian? Alors là, ah bah, faut donner sans une souci. Non. Non, c'est pas ses crèmes. C'est comme c'est ça. Mon rap, il a donf. C'est comme ça qu'on dit. Voici la dernière question. Comment dit-on? Ouais. Oh, comment dit-on? Ouvrons les guillemets. Je me fiche du camp, dira-t-on. Ah, elle est belle celle-là. Je me fiche du camp, dira-t-on. Voilà. Est-ce qu'on dit PTDR? Ouais. Ou est-ce qu'on dit nique les geeks? Ou est-ce qu'on dit fuck les rageux? Pierrot de l'île de Léron. Eh ben, on dit comme ça, ce qui est... PTDR, nique les geeks, il est bon, Pierrot. Ou fuck les rageux. Bah, j'en sais des choses. Eh oui, mais enfin, si on vous doit choisir. PTDR ou nique les geeks. PPDR. PPDR, si vous voulez. Papa de Pietre, on dit quoi? Si vous voulez répéter la question. PTDR, comment on dit je m'en fiche? PTDR, nique les geeks. Je m'en fiche. Ou fuck les rageux. Ben, j'en ai rien à cirer. Mais c'est pas dedans. C'est pas dedans. Est-ce qu'on dit PTDR, nique les geeks ou fuck les rageux? Non, mais des fois, il dit aussi... Mais c'est pas vous, Pierrot. Je parle pas à vous, je parle au papa de Pierre. Pierrot. Alors, pour moi, c'est fuck les rageux. C'est une patron. Le coup du chapeau. Qui nous a fait l'histoire, bravo. Ah ouais, il est beau. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Julie? Rien. Bah rien. Eh bien, ça tombe bien, c'est un gros rien qu'on va vous emballer, qu'on va vous envoyer à Gisors, d'accord? D'accord, ok. Je vous embrasse fort. Et gros bisous à Julie. Ah, gros bisous, Pierrot. Moi aussi, je l'adore. On est tricopins, on se fait des bisous et tout, quand il vient. J'ai coupé la musique, là, pour chiner le gay. Oh, le papa de Pietre, il a interdit de chiner dans l'équipe. C'est une petite jeune pour vous, attends. Ah oui. Elle a 30 ans, une gamine, une enfant. Ah ouais, mais il y a des pilules maintenant. Il y a des gènes familiaux, je veux dire, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est dans la famille. Bisous le papa de Pietre, à bientôt. Bisous. Salut Coco. Bisous. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Septième saison de Coé sur Énergie, je la connais déjà, moi. Julie va crier. Coé sera de mauvaise foi. Julie va crier. Pietre et Guéguette feront les gamins. Julie va crier. Loris va finir chez les flics et... Julie va crier. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Oh, tous les soirs, en espérant que vous avez passé une belle journée, que vous avez bien kiffé tout ce qui s'est passé. Tout à l'heure, il y aura qui avec tout le public? Kinvé sera notre invité tout à l'heure. Et si vous avez des questions à lui poser, 0870 42 48, vous aurez Stouf, vous aurez Mika, vous leur dites bonjour, vous envoyez vos messages et tout à l'heure, vous pourrez lui passer des bisous. J'ai vu passer des messages tout à l'heure sur mon Snap et sur Twitter de gens qui disent je veux absolument lui parler. Qu'est-ce que j'ai fait, Stouf? Tu peux nous le dire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des captures d'écran, je te l'ai envoyé, tu pourrais quand même le dire. Bah oui, des auditeurs, tu m'as envoyé leur message. Bah oui, mais tu le dis pas. Bah voilà, je te le dis. Bah dis-le. Ouais, après, on dit ouais, c'est pas lui qui gère ses comptes. Merci, merci. Les envoie. Voilà. Des fois, les gens ils disent après, ouais, c'est pas toi qui réponds vraiment et tout aussi. C'est moi, c'est pas moi, j'ai quelqu'un, j'ai tout un staff. Et par contre, il y a juste encore des faux profils Koé sur Facebook. C'est important, on essaie de les éliminer, mais c'est un peu compliqué. Il faut gagner des iPhones. Non, mais ouais, évidemment. Moi, j'attends sur le mien. Les mecs vont faire gagner des navettes spatiales et tout. Non, je voudrais vraiment vous dire, arrêtez de croire en tout ça parce que ça va être un vrai problème un jour. Vous arrêtez pas. J'ai eu des messages, on me dit j'ai envoyé 17 SMS. Si un jour je vous offre des trucs, je vous offrirai des trucs. Mais je le ferai sur la page officielle, Koé officielle, il n'y en a pas 50. Voilà, ou les petits trucs avec les petits logos bleus à côté. Si vous voyez une page avec 300 fans ou 1500 fans, et ils n'arrivent pas à les choper, ces mecs-là, avec les adresses IP et compagnie. Hein. Je crois pas. Ils sont au fin fond, ils sont pas en France, hein, je vous dis tout de suite. Ils sont loin et tout. Oui, Loris, que voulais-tu dire? Non, les faux profils, c'est facile, mais les fausses pages, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Parce que c'est une fausse page, ouais. Merci, Loris. C'était une très très belle intervention. Jamais on avait dit qu'à 8000 likes, on battait le record. On est à combien? Il reste pile poil 200 likes. Et si on faisait un test avant pour voir s'il en est capable? Moi j'allais sur Insta parce que je crois que j'ai pas liké moi-même. Bah auto-like toi. Attends, je vais m'auto-liker. Tu peux t'auto-liker? Tu crois que c'est vrai? Mais ça va rien changer. Attends, nous sommes à 7800. Allez, on le fait en live là. Bam, 7813. Le mien il compte. Allez, 821. Et si je l'enlève, 7812. Non, parce que si on fait un essai, t'imagines, on bat le record et qu'il du coup il est pas validé. C'est validé quoi qu'il arrive, il y a la juge. T'es très confiant quand même là. Non, non, mais attendez. On s'est entraîné là-haut. Je like. On est à 7838. On a dit qu'il fallait arriver à 8000 likes. Je veux qu'on le fasse en live à l'antenne. Ça va? Je veux le faire maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais quand dire... on dit et on fait une phrase. Ouais, c'est mieux généralement. S'il arrive à battre le record, c'est S'il arrive à battre le record, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, le mec aux États-Unis, il s'entraîne pour faire ces choses-là. Comme pour le premier record pour Loris, et Loris ne s'entraîne pas du tout. Oh, bien sûr que si, il s'entraîne. J'ai passé le week-end. Ah non, 7944, les amis. 955. Oh, 970, j'avais moi. 970, attention, on va le battre en live. Et moi, j'ai 82. Il faut que je le fasse en direct. En fait, on va beaucoup plus vite que quand j'en parle. 93, 95. Allez, c'est bon. 99. 8007. 8007. Julie, c'était si avant, c'est trop ça. Mignon quand c'était je dis. C'était avant, Julie. On n'a plus le droit de dire ces mots-là. C'est ouais, fini maintenant. Va. Non. Bon, allez les gars là, on y va. Maintenant. Tout ah, prêt oui là-haut. Ah bah, ouais, attends, c'est prêt là, tout de suite là. Je vous rappelle les amis que je suis en train de, en ce moment, je suis en train de réaliser l'émission. Je suis à la console. Je te rends, donne la manette. Je tiens, prends ça. Voilà. Moi, je prends mon casque. Excusez-moi. On arrive donc. Alors, donc, on est d'accord qu'on fait un entraînement pour l'instant. Non, non, non, on fait un premier essai. On fait. Mais attendez, prenez. Mais non, sortez pas le public, sortez pas le public. Non. Mais non, Tilbolt, enfin. Eh, Tilbolt, il fit dans la colle. Mais Tilbolt, tu t'imagines le temps de sortir le public, de remettre le public. Tilbolt, réfléchis, comme quand t'as acheté ton pull. T'aurais dû réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ce pull encore? Il a hésité sur la couleur, il a pris les deux couleurs. Tilbolt, c'est quoi ce pull? On dirait. Tu sais quoi? Il est beau, non? Non, on dirait une mauvaise réception à la télé. Tu sais, quand on voit pas bien les images. C'est le pull de mon frère. Faut qu'on parle, faut qu'on apprenne à se fringuer. Toi aussi, faut qu'on apprenne à se fringuer. Tu vas pas te raser, toi. Ça y est, tu te rases plus. Bah, ça y est. Eh, hey, bonne année. Ah oui, Shana, t'en vas? Je vois pas de quoi tu parles. Bonne année, mon ami. Bon, allez, on y va, on y va. Allez, viens. Allez, attention. Nous allons monter. Attends, il y a la pression de ouf, hein, là. Voilà. Hop, nous montons, nous montons, nous montons. Vous avez vu avec quelle passe velte je monte maintenant? Oui, c'est vrai. T'es tout léger. Je suis léger. Je me sens léger. Nous avons tenter de battre le record. Alors je m'adresse à la juge, calme-toi toi. Tu ah, c'est la même que la dernière fois. Je vous fais un bisou. Allez, comment ça va? Très bien, merci. Rappelez-moi les chiffres, la dernière fois, combien nous avions fait? Alors la dernière fois, Loris avait fait 60, donc il avait bien battu le record avec 60 ballons éclatés avec les fesses. En combien de temps? En 1 minute. Et ça a été battu par un Américain? C'est ça, Ashrita Furman, et il avait fait 68 en décembre dernier. Qu'est-ce qu'il est venu nous faire chier avec ce record du monde? Le mec, il pouvait pas faire un autre record du monde. Ouais, il y en a quand même beaucoup des records du monde. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce Ashley Furman, là, je sais pas comment il s'appelle? Pourquoi il est venu nous emmerder, nous? Bah, il vous cherche, hein. Il l'attend, ce record-là, pour le rebattre derrière. Et c'est vous qui avez été là-bas? Non. Ah non. Il est dans quel endroit des États-Unis? Je ne sais pas trop, je crois qu'il est dans l'ouest, dans la Californie. Comment il s'appelle? Moi, là, ouais. En Californie. Ouais, mais son prénom. Ashrita Furman. Ashrita Furman. Ouais, c'est ça. Ashrita Furman. Ça va pas durer 1000 ans cette histoire. Hein. On t'a laissé faire 2 minutes. I introduce you, notre champion. French European champion, Loris. On l'a fait sans public? Comment? On fait sans public là? Eh oh, tu vas pas te la raconter, on fait un essai là. Ah, c'est un essai. Non, on fait un essai. Si ça marche. C'est un premier essai. Si ça marche, c'est validé. On est d'accord. On va pas sortir tout le public et re-rentrer le public. Oui, mais en tout cas, si ça marche, ça marche. On se dit que là, on le teste. Oui. Et si ça marche pas, on peut le refaire en fin d'émission. Bah, il a droit à 3 tentatives. Ah, bah voilà, on se dit la première. Et si ça marche, ça va le faire. Et si ça marche, bah, je peux lui donner le record tout de suite. Bon. Et après, il peut battre son propre record. Alors attention, il est entouré de deux mecs de notre équipe qui vont lui passer les ballons en dessous, on est d'accord? Les gars, j'espère que vous avez été synchronisés et que tout se passe bien, ok? Alors, on a Pietre et Mehdi. Alors, est-ce qu'ils peuvent commencer à préparer un ballon? Vous ne pouvez pas le mettre sur la chaise directement. Loris, vous allez devoir commencer à côté de la chaise. Je rappelle qu'il faut mettre un ballon à la fois. Baisse la musique, mon ami. Okay. Non, pas vous, hein. Je pensais à mon ami technicien. Voilà, un ballon à la fois sur la chaise. Vous ne pouvez pas commencer avec un ballon sur la chaise, mais vous pouvez le préparer dans votre main. Vous avez compris? On peut le préparer dans la main. Voilà. Dans la main. D'accord. Alors on donne tout, les gars, on donne tout. Préparez un ballon dans vos mains. Attention, parce qu'il faut. C'est une histoire de rythme, là. Même, qui commence? Voire qui commence? Deux. C'est Mehdi. Ok. J'ai une pression là. Eh, hey, mon pote. Si j'ai la pression. Excusez-moi. Yo, yo, yo. Fuck the weekend. Il y a pas la Marseillaise avant? Tu représentes. You represent the friends. The friends, man. The friends. No, the friends. Allez, dépêchez-vous. Attention, mettez-vous en forme. Arrêtez vos conneries. Jimmy, prépare une petite musique s'il gagne, on sait jamais. Ouais, prépare la Marseillaise. Samba de Dieu. Ouais, la Marseillaise, je sais pas si on l'a. Attention! Je t'ai mis dans la merde. Sérieux, vous prenez ça un peu en dilettante là. Allez. Vous commencez à mon top. Donc je fais 3, 2, 1, top et vous y allez, ok? Prêt? 3, 2, 1, top! Ah là là. Il y a un bon rythme là. Ah là là, la chaise bouge, les gars. Putain, la chaise! Repassez la chaise! Tenez la chaise, bloquez la chaise avec le pied, Piet, bloque la chaise. Vite, il te ramène la chaise, vite. Vite. Ah, vite, ça va pas là. Ah, il reste combien de temps? Ah, vous merdez, c'est mort, là. Les gars, c'est mort. Mais non. Non, vas-y, il reste 26 minutes. Vous y étiez. Mais vous y étiez. Mais non, les gars. Mais pourquoi t'as arrêté? Tu étais bien parti. Les gars, il faut économiser ses forces. Il reste 20 secondes. Ok. Est-ce que 20 secondes. Alors, on va dire que c'était un des trois essais. Est-ce qu'on a le droit pour la prochaine fois de bloquer la chaise pour pas qu'elle bouge? Oui, vous avez le droit. Ok, les gars. Vous avez le temps. À partir de maintenant, on y retourne tout à l'heure. Repose-toi les fesses. Je demande, est-ce que tu sais faire des massages des fesses? Non, juste pour le compte, vous avez fait 24 en 25 secondes. Alors, 24 en 25 secondes, tu peux le faire. 24 en 25 secondes. Quel est ton prénom? Messaoud. Je pense que si jamais il te masse les fesses, Messaoud, il te les broie. Il va te faire. Tu tireras des petites fesses qui ressembleront plus à rien. Va te reposer, mon champion. T'es mon champion, tu peux y arriver. Eh, mais c'était pas mal, 24 en 25 secondes. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire. On va bloquer 68. Cette chaise parce qu'on a eu un défaut, la chaise a bougé. Je pense qu'il faut rester avec nous, on va vivre un instant magique. Ce soir, on va battre l'Américain qui a battu notre record. Ce soir, si on en fait 69, on est champion du monde. Même avec 68. Oh là là, 69, ça me ferait marrer. Ouais, 70, pas, allez. Allez, restez avec nous, Jimmy. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On a le temps, on met quoi? Oui, on met. Jimmy, mets ce que t'as sous la main. Appuie sur le bouton. Vas-y, débrouille-toi. Écoute, on va mettre Sound of Legend. Vas-y, mets Sound of Legend, c'est bon. Ça, vas-y, fais tourner pendant ce temps-là. J'adore ce truc-là. Dans un instant, on s'occupera donc de voir. On se refait ça à la fin de l'émission. Oui, bah oui. Oh, je le sens bien. Même un peu avant. Parce qu'on je le sens avec bien. Nous. Mais je le sens bien. Ça va être une tuerie. Et Kinvey vous encouragera tout à l'heure. Ça va être énorme. Bienvenue chez nous. J'espère que tout va bien. Vous avez entendu ce joli merde. Parce que j'arrivais pas à appuyer sur mon bouton on, je tapais à côté avec mon doigt. On est encore sous le choc, hein. On peut y arriver. On en vit des choses, hein, ici. Venez nous voir. Je vous le dis, ce soir, on vit des trucs de fou. On peut battre et le record peut venir en France. Je veux que ce soir, avant la fin de l'émission. Ah oui, obligé. On veut l'entendre. Ah ouais. Ce soir, je veux que la Marseillaise retentisse. Et tout le public chantera avec les paroles plus ou moins. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait un petit passage de micro de la Marseillaise dans le public. Voilà, alors. Nous allons donc faire, sans musique, nous allons donc faire un petit passage. Non, prends pas les tout petits devant, ils ont 5 ans. Vas-y, commence à côté. Ça se trouve, ils la connaissent. Les enfants de la patrie. À côté. Le jour de gloire est arrivé. À côté. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bien, merde. L'étendard sanglant élevé. Attention derrière. Mais... Entendez-nous dans les campagnes. Ouais. Campagne. Mugir ces féroces soldats. Qui viennent jusque dans nos bras. Oh, c'est bien, parfait. Égorger nos fils et nos compas. À côté, attention. Bien. Aux armes de citoyens. Bien, wow. On continue. On est pas sur elle. Marchez. Non, non, bataillons. Oui, à côté. Marchons. Vas-y, finis là. Non, c'est là. D'un sang impur à toi, vas-y. D'un sang impur. Continue. Finis là. D'un sang impur. Afasté au Sion. Peut me dire ce que veut dire afasté au Sion. Ah, c'est dommage, on l'avait bien, on l'avait presque parfaite. Alors, pour la peine, tu vas me la faire toute seule. Parce que tu m'as l'air bien calé afasté au Sion. Attention. 3, 4, allons, enfants. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bien, bien. Montre-nous de la tyrannie. Montre-nous. L'étendard sanglant. Non, mais c'est pas, je suis un pote. L'étendard sanglant. L'étendard sanglant. Non. Il me dit des trucs bizarres. Non, mais tu t'en fous, concentre-toi. L'étendard, t'as besoin de te concentrer. L'étendard sanglant élevé. Entendez-nous. Entendez-vous. Dans nos campagnes. Rugir. Oui, il y a souvent dans les campagnes, il y a des gens qui rugissent. Ils rugissent. C'est pas cool. Bon, toi, tu vas me la bosser cette histoire, je te le dis. Dans un instant, on aura Sophie en ligne avec nous. Bonjour, ma Sophie, comment ça va? Non, il faut pas. Ah, je sais pas si on aura le temps en fait, parce que Sylvie va arriver. Ah, bah non, on fait Sophie, et puis Kinvé juste après. Ok. Mais si, comme ça. Un café pour Kinvé, c'est pour moi. Ouais. Un petit en plus. Sophie, de quoi on parle dans un instant, ma chérie? Coucou, des kékés qui sont à Paris et qui roulent en décapotable. Oh, ils n'ont pas le droit. Alors là, ne bouge pas, on va en parler dans un instant. Il y a des kékés dans Paris. Pourquoi vous me regardez? J'en connais. Non, voilà, moi j'en connais pas. Restez avec nous, on en parle dans un instant. Bienvenue sur Energy, tout le monde. Hey, arrêtez vos vannes de me regarder, j'ai pas ça moi, d'accord? Vous gagnez sur le pack Energy Apple Lady Gaga. Ah bon? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de... À la suite. Soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Energy. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la high-tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. un pour tous. Sur scène, ils mettent le feu. Très très beau spectacle. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous en ce moment au Palais des Sports de Paris avec énergie. It's music only. 50, 50. Ah, docteur, 50, je ne sais plus quoi 50, faire. 50, même 50, la nuit, c'est grave. 50, bah, il souffre d'une quinquagite. 50, une quinquagite ? Oui, c'est assez courant depuis que Free a lancé son forfait mobile avec 50 gigas en 4G à 19,99€ par mois. 50, et ça soigne ? 50, oui, prenez-lui un forfait sur mobile.free.fr, c'est sans engagement. Oh, merci, Free. Merci, docteur. De rien, déshabillez-vous. 50. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine avec mobile 4G. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec énergie. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. Écoutez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. Et gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec énergie. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3, disponible le 7 octobre sur PS4. T'aurais pas dû dire non. Avec énergie, Hit Music Only. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le smartphone ailleurs. Écran 4 pouces et demi, 4 gigas, double SIM, compatible avec tous les opérateurs, est à 39,99€. Mais non. Ah si. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le smartphone G30 bleu ailleurs est à 39,99€, dont 1 centime d'éco-participation. Voir modalités dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors, à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Wesh, écoute Coé sur Énergie, frère. Sur les autres radios, c'est tout pété. Ils sont morts dans le film. Mais c'est de la merde. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Avec nous ce soir, Kim B sera notre invité tout à l'heure, d'ici quelques minutes maintenant. Et vous allez nous rejoindre sur Facebook. On va faire tourner un Facebook Live. Tu le feras tourner un peu avant, mon bébé. Hein, tu le feras, ouais, un peu avant. Et puis bon, attention, moi je serai de toi. Quelqu'un a massé les fesses de Loris. Quelqu'un a massé les fesses de mon champion. Je viens de le retrouver dans le couloir en train de faire des étirements. Il a mal, le pauvre, déjà. Mais attends, il est allé un peu fort. Mais non, je veux pas que tu te casses. Ton micro ne marche pas. Reprends ton micro. Il est où son micro à fil? Il est là, reprends ton micro. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une douleur atroce en bas du dos que j'avais déjà. Et là, non, vraiment, je crois que je me suis claqué un truc comme ça. Ah, mais hey, tu fais son footballeur. Hey, une rebondi. Journée où tu dois te donner. Hey. Bah oui, bah là, je suis pas bien là. T'as fait 10 fois que t'as rebondi sur un siège, 10 fois, tu peux tenir là. Non, mais j'avais déjà une douleur. Il va le faire. On lui ramène des remontants là. Quel type de. Eh mec, y a pas de contrôle antidopage. Tu y arrives pas, je le fais. Non, mais je vais y arriver, mais j'ai mal. Tu vas avoir mal toi aussi, non? T'as pas des problèmes de dos? Attendez, sport du monde. Attendez, mais on est d'accord? Pour qui on parle là? Il a raison. On va le faire. C'est pour eux. C'est non, pour on va le faire, les si gars. Si je le fais, c'est pas pour mes fesses. Oui, c'est vrai. C'est pour la France, madame. Je sais pas si tu peux le faire. C'est pour que ce record revienne chez nous. J'ai envie que la France se lève comme ça, la main sur le cœur. Les prix, on a plus beaucoup. C'est pas avec le tennis qu'il faut compter dessus. Donc, donc il y a un moment, voilà, c'est comme ça. Je veux que les gens chantent ce soir. Mais il va y arriver. T'as intérêt. Le choix. On aura Kinvé dans un instant. On fait quand la petite jeune fille qui est en ligne depuis là, tout à l'heure? Maintenant. Sophie. Oui. Il y aura Tal dans un instant. Et si vous êtes avec nous, demain, je vous révélerai qui sera le prochain Toc Toc Toc. Ah oui. Et je vous dirai chez qui nous irons. Je ne vous dirai pas avec qui. Mais pareil, nous avons déjà sélectionné 3 finalistes pour le Range Ta Chambre. Oui. Dans toutes les sélections que nous avons eues, nous avons déjà des finalistes pour le Range Ta Chambre. Ça veut dire qu'on va débarquer chez vous dans les jours qui viennent. Ouais. Pas cette semaine. Hein, non, la semaine prochaine. Semaine prochaine, on débarquera chez vous avec l'équipe. Bam, bam, bam, on range votre chambre, le bordel, on nettoie, on met des cadeaux. C'est bien, non? C'est beau, bah ouais. Et pour l'instant, on a les présélectionnés. Mais qui ne sont pas au courant. Qui sont pas au courant. On a 2-3 complices les dans parents, la famille. Mais c'est tout. C'est tout. Bon, Sophie, raconte-moi. T'es venue à Paris, t'es pas parisienne à la base? T'es de où? Ah, les kékés en cabriolet. J'avais oublié. Non, pas du tout. Je suis pas parisienne, je suis de La Rochelle. D'accord. Et donc, tu t'es dit, oh, et si je venais à Paris? Non, en fait, je suis allée à Paris pour un entretien d'embauche. Ah, et là, tu as vu la sympathie des Parisiens. Et bouge ta caisse! Avec ton bâton, la putain! Putain de merde, là! Ouais, c'est ça, tout à fait. Tellement ouais, sympa. Non, là, il fait super froid en plus à Paris et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Ah, si, le matin, ce matin, je suis parti faire mon sport en short. Et l'autre, il passe en décapotable. Et alors alors qu'il fait 5 degrés. Oui, mais s'il fait beau, la décapotable. Il y a du soleil, il dit bien. La décapotable, le cabriolet, à partir du moment où il y a du soleil, même s'il fait froid, tu le sens pas le froid. Mais t'entends rien quand t'es en décapotable. Moi, ça m'insupporte. Ouais. Quand t'es sur l'autoroute et tout. Bah, enfin, tu prends l'autoroute en cabriolet. Une décapotable, c'est pas fait pour. Ça fait juste frimeur à fond. Ah, mais alors ça, je suis pas d'accord. Au bord de mer, c'est sympa. En vacances et tout. Mais excusez-moi, qui est la haute autorité qui a dit qu'un cabriolet, c'est bord de mer? Excusez-moi. On peut habiter à la campagne et avoir envie quand il fait beau d'ouvrir le tour. T'as la pollution et tout, tu te prends tout dans la gueule. Ouais, ah, parce que tu crois que quand t'es dans la bagnole, t'as pas la pollution. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas de décapotable. Hein. Non, par contre, il y a un truc qui est horrible en en cabriolet, c'est quand tu passes dans un tunnel et qu'il y a une moto qui passe à côté de toi, mon gars, mais ça te défonce les oreilles. C'est insupportable. Mais ouais, ça va, mais arrêtez. Mais enfin, mais vous êtes grave. Tu défends, t'as une décapotable. Oui. Mais ça veut dire qu'à vous écouter, il fait un rayon de soleil où il fait bon, on peut pas se mettre en décapotable. Décoiffe les nanas. Ouais, moi c'est pas ce problème. Non, mais on va dire qu'à Paris, c'est pas la ville qui est faite pour, ne serait-ce que par le taux d'ensoleillement, effectivement, par la pollution. J'avoue, c'est pour se la péter en vrai. Les mecs, avec le monde qu'il y a dans les embouteillages, les mecs ils battent dans ta voiture, c'est comme s'ils étaient dans ta voiture. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'un mec qui a une décapotable dans Paris, ça il se tape tout l'hiver avec une voiture recapotée. C'est-à-dire, en gros, de novembre à mars, il ne l'ouvre plus. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, putain, il en profite. Il a mis plus cher que les autres pour avoir la possibilité d'enlever le toit. Il en a pas trop la possibilité, justement. Mais c'est pas vrai, vous mettez le chauffage. On n'est pas con pour le faire quand il pleut. Il y a un mec qui joue un truc, je sais pas quoi. Vous mettez le chauffage. Avec le chauffage, vous êtes bien dans un cabriolet. C'est quoi ce bruit de merde autour de toi? Regarde, t'as un Decepticon dans ta cuisine. Sophie. Decepticon. Il a raison. Oh là là, Julie, putain, arrête de montrer que t'es vieille. Un Decepticon, c'est quoi? Un Transformer. Oh, Transformer. Decepticon, robot. Mais c'était quand même des robots. J'en sais rien, les gars. Je le fais super bien. Transformer, Decepticon. Jimmy savait pas non plus là-bas. Mais bien sûr que si. Soit de mauvaise foi, Jimmy, quand c'est comme ça. Merci, Jimmy. J'ai dit, je savais. Ah! Merci Jimmy. Allez, c'est la vieille, c'est Julie. Bon, Sophie, je suis désolé, on peut mettre en décapotable sans être un gros frimeur. Oh, arrête, c'est pour ça, c'est pour frimer quand même. Ouais. Arrête. J'ai vu, c'était des gros tickets en tout cas. Je suis un peu. Ouais, c'est quoi l'intérêt d'avoir une décapotable si c'est pas pour frimer? Pour fumer. Mais c'est parce que t'es bien quand t'es décapoté, t'es vachement bien, t'as pas de toit. C'est vrai que c'est trop agréable. Allez vous balader sous la Tour Eiffel, passez sous la Tour Eiffel en décapotable. Ouais. C'est une tuerie, pas besoin d'avoir une grosse bagnole. Il y en a qui ont des smart avec le toit ouvrant, machin. Une petite voiture, une Fiat 500 qui a le toit en tissu qui s'enlève derrière. Ouais. Dès qu'il ferme petit rayon de soleil, vous mettez le chauffage, vous ouvrez le toit, vous passez sous les monuments de Paris, c'est mille fois plus beau quand vous êtes enfermé dans votre bagnole. Tu te fais chier dessus par les pigeons et tout, c'est un vrai bonheur. Les mecs qui crachent dans la voiture, les mecs qui crachent dans la caisse, ils te piquent ton sac. Mais vous, arrêtez, c'est quoi? C'est pas parce qu'il t'est arrivé ça qui me garde à chiant que bon. Voilà, non, j'avoue que t'es une nana, t'es une petite blonde, t'es au volant de ton cabriolet dans Paris, patate. Mais non, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde. Le cabriolet, normalement, c'est pour rouler tranquille sur les petites routes de campagne au soleil. Ouais, je suis d'accord. Là, en milieu urbain. En milieu urbain, quand tu es plein de monde dans les embouteillages, t'as tout le monde qui te mate, les mecs, c'est comme s'ils étaient dans ta voiture. Et puis t'es bas en général, c'est des voitures basses. Et surtout, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Si le mec qui est en cabriolet, il a envie d'ouvrir son toit, ça vous gêne? Mais tu te prends toute la pollution. T'es une voiture basse, t'as tous les 4x4, les grosses voitures à tes côtés. Mais parce que toi, t'es toute basse. Un cabriolet, c'est pas une Ferrari, Julie. Ça peut être une Fiat 500, ça peut être n'importe quelle voiture, un cabriolet. Oui, mais la plupart du temps, les cabriolets, c'est des Porsche, des Ferrari, des machins. Non, parce que t'as les Peugeot et machin et tout. Excusez-moi. Après, ça beaucoup, les Renault, on n'a pas Peugeot. Les mêmes amis, hein, Julie. Hein. Julie, elle fait ah bon, les cabriolets ne sont pas des Porsche. Je ne suis pas au courant, je ne sors pas avec tout le monde. Bon, je te fais un gros bisou. Le kéké t'embrasse, Sophie. Bisous. Tu nous l'as énervé là, ça veut dire. Pour moi surtout. Je m'en fous. Eh ben, je suis un kéké. Moi, quand il y a un rayon de soleil, j'ouvre. Tu m'emmèneras dans des décapotables? Bah non, on respire mal, on est au milieu des bouchons. Je vais avoir froid. Ah bah non, c'est pour ça, vas-y. Voici Tal sur Énergie. World, take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend la danse est filée. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut, hey, hey, hey. Oui, dans come where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie vers la lenteur et les sentiments au loin la peur qui s'en va. Passe les jours et les combats, combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps on n'a pas le choix, combien d'amour reste-t-il à nos bras? On commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps. Qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. To breathe. Everybody's always in a hurry. Ce soir, s'installe chez Koei sur Énergie. Je ne m'attends pas à dire, ma chérie. Ma petite femme. Mon petit roudoudou. Il est mon invité ce soir. Comment ça va? Bah, ça va bien, cool. Mais ça me fait plaisir de te voir. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? À chaque fois, on se parle. On s'est vu en juillet. Mais oui, on a fait. Ah, ça fait longtemps, en juillet. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais il est pris. Quand c'est pas en studio, c'est en match. Un truc, on ne s'en sort jamais. T'étais en vacances en août. J'étais en vacances en août. Et après, en septembre, tu travailles et je travaille. On se voit quand on a besoin corporel. Et en ce moment, on n'en a pas beaucoup. Non, ouais. Non. Ouais, mais on est assez tranquille là-dessus. Il était très étonné de te voir à ce poste-là. Oui, ça fait bizarre. Ouais, alors. On voulait économiser un poste en fait. Réaliser l'émission ? Oui. On gagne de l'argent. D'accord. On gagne de l'argent, on s'est dit on va éviter. Non, c'est surtout qu'on a fait un jour un Réa. Ouais. On a perdu un Réa qui nous a quittés, qui ont fait un bisou. Oui, Jérémy. Il a tellement maigri qu'on regrette. Il a disparu en fait. Il a disparu. Un jour, on est arrivé. Il est nulle part, il s'est volatilisé. Il restait les fringues. Il y avait les vêtements au sol. Et donc, on s'est dit tiens, on a essayé. Alors, on a eu des catastrophes. Et là, on a un mec qui est pas mal. On a Jimmy qui est pas mal. Mais j'ai pris plaisir à prendre la console. Et... D'accord. Parce qu'à un moment donné, il y avait un état d'urgence. Hein. J'ai pris la console par besoin. Ah oui, ah ouais. Parce que ça devenait ingérable. Ouais. Ah, c'était ça où il y avait beaucoup de blanc entre les trucs quand même. J'aurais bien voulu te voir ce jour-là. Juste pour voir l'état de nervosité du gars. Oh, ça finit. Il y a un peu plus de boutons que quand il a commencé et quand il a débuté. Mais Ah oui, c'est vrai que. Non, c'est vrai qu'on avait oublié qu'on avait perdu une Réa. Qui a finir sur Snapchat. Elle est enterrée sur la terrasse de Jean-Paul. Ah, oh merde. Voilà, tu soulèves une dalle, elle est en dessous. Elle est en dessous. Ça va bien. Ouais, RIP, bien sûr, RIP, évidemment. Ouais. Kinvé est notre invité. Kinvé, c'est ça. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle. Comment ça t'a fait celui-là, hein? Bah, ça fait 5 ans? Ouais. Ah, c'est tout, j'en ai plus. Tu peux encore ou Le truc vexant, tu peux encore ou pas? Ah, ouais, j'aime bien. Oh là, c'est, j'aurais cru 25 ans, dis donc. Dis ça donc. Va, oh. Des fans de Kinvé dans le public, oui, oui, visiblement il y en a. Je crois qu'il y a que ça. Il y en a, ouais, je crois qu'il y en a pas mal. Hein. Il y en a dehors aussi. Je les ai vus dehors tout à l'heure. Il y a dehors, c'est dingue. Ouais, dans un monde. Il y a plein de morceaux, il y en a de tous les sens des hits. que j'aime bien. J'aime bien aussi celle-là, tiens. Elles sont toutes bien. Un petit coup de celle-là, allez. Ah, c'est ma préférée. Oh, et la Bretagne. Oui, on aime bien se mettre la Bretagne. Toi, t'aimes bien la Bretagne, toi. Ah, je sais que t'aimes bien. Ah oui, le breton. C'est marrant, ça. Il y a une dame au deuxième rang. Tu as mis la Bretagne, regarde. Chantal là-dessous, là, deuxième rang. Elle est partie. Je croyais que c'était Sia, moi. C'est Sia là-dessous, ça. On va dire bonjour à la dame. Attends, quel est votre prénom? Je m'appelle Françoise. Ça va, bonsoir, Queen V. Bonsoir, Françoise. Attends, comment tu m'as appelée, chérie? Queen V. Non, lui dites pas, le soufflez pas. Comment tu l'as appelée? Queen V. Wow, Queen V. Queen V, yeah. Ça va, Françoise? Ça va super bien, et merci pour la Bretagne, je suis bretonne. En plus. Ouais, voilà. Françoise, donc j'adore le rythme. Évidemment. Quel endroit en Bretagne, Françoise? Quimper, évidemment. Je suis pas loin dans ma chanson, je dis Quimperlé. On est pas loin. C'est pas très loin. Bim, dans ta gueule, c'est pas la même chose non plus. Et ils peuvent pas se blairer, les gens, entre Quimper et Quimperlé. C'est la guerre. Les Bretons, ils s'aiment bien entre le derby. Ils font des festos, mais ils veulent pas se tenir par le doigt. Non, toi, je te touche pas, toi, t'es de Quimperlé, je te tiens par le doigt. Exactement. Françoise, chanson préférée, c'est laquelle alors? Moi, j'adore Charles Aznavour. Attention, elle demande à sa fille qui est devant, je suis sûr. Chanson préférée? Attends, vas-y. Laisse-la, je sais plus le titre, mais chantez-la. Ça chante quoi? Fredonne-la. Est-ce que c'est un truc que je parle de cul? Attention à ce que tu dis. Franchement, non. Plus de cul dans cette émission, c'est fini. Ah, j'ai plus le droit de dire cul. Non, j'ai décidé de tout. J'ai pas le droit de dire chat et ni chambon. Non. Oh là là, en ce moment, eh oui. Voilà, surtout pas en ce moment. Non, mais je saurais pas la chanter en fait. Il y a une tension là. Je saurais pas la chanter, Sally. Sally? Bah, c'est Sally, c'est la dernière, c'est la Bretagne, ouais. Oui, toi, en fait. Je saurais la danser, mais pas la chanter. En fait, quand c'est pas breton, t'en as rien à foutre, quoi. En fait. on va faire simple. Ah, j'aime bien qu'il mette depuis 3 mois, c'est pas vrai. Parce qu'il a chanté une chanson bretonne. Avant, je ne l'aimais pas. Et si son prochain album ne s'appelle pas Kenavo, qu'il aille se faire foutre. Kenavo, ça veut dire au revoir, donc c'est pas possible. Ok, on va prendre le micro, Françoise, merci. Merci beaucoup. En attendant, tout à l'heure, on aura des surprises. Surprises pour des gens du public, des gens dehors, on aura des surprises. Je peux faire une petite parenthèse sur les surprises? L'avant-dernière fois que je suis venu, je me suis mis toutes les misses à dos. Ouais, non, justement, non. Ah, mais j'ai oublié de te briefer, je sais pas. On va mettre un titre et on va te briefer. Il va falloir que je te briefe. Je me suis fait, il y a le CPE qui m'a défoncé les doigts ce week-end. Et on lui a pris son carnet. Je t'explique deux, trois trucs. D'accord. Tu lis pas la presse, toi? Non. Pas les conneries. C'est pas plus mal. Mais il faudra que je t'explique quand même un ou deux trucs. Donc, faut que je fasse attention à ce que je dis. D'accord. Vraiment. On va t'expliquer. Parlons de ta tournée. Alors. Ok, ouais. Cette suppression, les gars. Non, nous, non. Là-haut, oui. Ah, ouais, merde. Dimanche 9 octobre à Rouen, chez moi, à la maison. Il démarre là-bas. Le 14 octobre à Mnéville, le 15 octobre à Châlons en Champagne, le 16 octobre à Cournon, ensuite Périgueux, Niort, Paris, le Zénith de Paris le 23 octobre à Caluire. Caluire et cuir. Caluire et cuir. C'est une boîte SM, ça. De quoi? En plus, c'est dans 69, Caluire et cuir. Non, c'est le Radiant à côté de Lyon. Ah, mais en fait, c'est la ville, c'est Caluire et cuir. Oui, mais ils ont, comme Mouillon le Captif, c'est. C'est quoi? Ils sont tous Mouillon le Captif, c'est pour dire la capitale de la Vendée, tu vois. D'accord. Mouillon le Captif. Mouillon le Captif, t'es sûr que c'est la capitale de la Vendée? Non, bien sûr, ce n'est pas la capitale de la Vendée, mais c'est à côté de la capitale de la Vendée, c'est parce qu'ils ont fait au plus. C'est là où ils mettent les grosses salles, quoi. Voilà. Et comme je connais pas la capitale de la Vendée, je préfère fermer ma gueule, donc je dis la capitale de la Vendée. La Rochelle, non? Non, mais non. C'est ouf, c'est Charente-Maritime. C'est Charente-Maritime. Ouf, c'est Loire-Atlantique et je sais pas pour la Vendée. Poitiers. Sable-d'Olonne. Non. Sable-d'Olonne, c'est pas une. Roche-sur-Yon. Mâcon, ensuite Saint-Étienne, Le Havre, Le Mans, Mouilleron le Captif. Ah, voilà. Au Vent d'Espace, c'est la grande salle qu'ils ont fait à La Roche-sur-Yon et à Calais, au Calypso, belle salle. À Douai, à Beauvais, il y en a encore. Ouais, ça continue derrière, ouais. Hey, dis donc, Pau, tu te mets bien, toi. Albi, Aurillac, le Canet, chez moi. Montluçon, Chambéry, Genève et Dijon. Oh, tu te mets bien. Mais bravo. Hein. Et Dijon, c'est le 17 décembre 2016. Ah, il est en vacances après, Dijon. Tu te mets bien. Ouais, je pars en janvier. Bon, quand est-ce qu'on se fera quoi au niveau titre? On s'en fera deux, on fera quoi? Bah, on m'a dit. Rien qu'une fois et. Celle qu'il te faut. Celle qu'il te faut, le dernier. C'est la nouvelle. Ah, on ne peut pas changer tout. Je fais un bisou à Marine. Bonjour, Marine. Ah non, pas ça. Comment ça va, Marine? La pauvre. Bien et vous? Salut, ma chérie. Je te présente Queen V à toi. Dans un instant, on s'écoutera Lady Gaga. Allez, vas-y. Bonjour, Marine. Coucou, donc ça va? Coucou, ça va et toi? Ma question, c'est t'es dans quel état d'esprit avant de reprendre la tournée? Malade, comme d'hab. dès que je suis stressé, dès que je stresse, je suis malade. Là, je suis malade comme un con depuis une semaine. Ah bah, comme moi. Je sais pas, ça me casse les couilles. Dès que je suis stressé, en fait, je dors pas, donc je tombe malade. Mais ça va venir, ça va passer et tout va bien aller. Mais je le sais en plus, c'est stupide, mais c'est toujours comme ça. Il fait mou, il fait tout mou, il est pas bien. Non, puis il fait froid, ça me casse les. J'aimais bien l'été. Bah, t'as qu'à faire une tournée d'été, qu'est-ce que tu nous emmerdes? C'est toi qui voulais revenir au mois d'octobre. Fais une tournée en Thaïlande. Oui, oui. un peu moins de public qui comprennent moins ce que je dis. Ouais, c'est vrai. T'es bon. T'as fait un gros bisou, ma petite Marine, je t'embrasse. Tu vas aller le voir où? À Chambéry. Ah, voilà. Ah bien. Eh ben, je t'embrasse fort, d'accord? Ouais, bisous. À bientôt, ma belle. Porte-toi bien. Bisous. Restez avec nous. Il y a plein de gens qui veulent faire un bisou à Kinvé. C'est notre invité. Dans un instant, il y aura un jeu qui est pour toi. Ah. C'est notre jeu emblématique avec toi. Le fameux Vaut mieux avouer. On est en live sur Facebook. Ah, on d'accord. Se fait un Facebook live. On fait coucou. Voici Lady Gaga. Qu'il a raté ce week-end, c'est bon. Il y a des trucs interdits qu'on dit plus. Du coup, on utilise des sons, tu vois. D'accord. Dis-moi, je peux foutre la merde ou pas? Non, je suis pas sûr. Vraiment pas, c'est pas le moment, sérieusement. Ah. D'accord. Non. Ah, c'est dommage, j'aime bien t'embêter. Ouais, mais c'est pas moi qui t'embête, là, il y a une tension là. D'accord. Palpable dans les étages. Palpable. Il faudrait les détendre. Mais j'ai envie de te dire, garde-la pour toi. Bon, en attendant qu'il met notre invité, il y a plein de gens qui veulent lui faire un petit bisou. À commencer par Sarah. Ça va, ma petite Sarah? Salut. Ah va Sarah, t'es en forme? Ça va. Oui. Est-ce que tu sais Sarah? Oui, ça va bien nous. Est-ce que tu sais que tout à l'heure Sarah, Loris, et on aura besoin de toi Kevin, Loris va peut-être battre le record du monde d'explosage de ballons avec les fesses. On était détenteurs. C'est sérieux. Un Américain nous l'a piqué. La dame du Guinness Book est revenue pour qu'on rebatte notre record. 68 ou 69? 68 ballons. Ouais. Et là ce sera avec le cul. Ouais. Oui. Avec les fesses, le postérieur. Et là, on pourra mettre la Marseillaise. Ouais. Mais il a déjà fait combien, Loris? Bah, en fait, 60. Le record, c'était lui 60, le record, c'était lui, 60. Et mais t'as des records passionnants dans ta vie, ouais. C'est intéressant. Bah, je suis assez, il a pas eu le bac, mais ça, il l'a eu. Bon, en attendant, on fait un bisou à Sarah. Vas-y, ma belle, à toi. Donc, c'était pour savoir, parce que t'avais déjà dit que tu voulais pas faire de DVD pour les spectacles, ça, parce que tu préférais vivre le moment présent. Oui. Mais il y a plein de gens qui ont pas la possibilité de venir te voir et tout. Et même nous... En fait, on aimerait bien revivre les moments après. C'était pour savoir si tu voulais toujours pas faire de DVD. C'est chiant parce qu'avec ta petite voix comme ça, c'est super dur. Revient la question. T'as vu comment elle fait? Oui, mais là, elle a trop ri, voilà. Elle a demandé avec une petite voix trop gentille. Nous, ça nous sauverait la vie. On serait tellement remplis d'amour. Alors, je te repose la question dans les yeux. Avec les yeux du chapeauté. Je suis vraiment pas pour et je comprends bien votre point de vue. Le problème, c'est que en vrai, si tu veux tout savoir tout, c'est que si on devait faire un truc filmé, il faudrait que je fasse un show carré, chose que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, les titres sont dans l'ordre, mais je me permets de faire tout ce que je veux en fait entre les chansons. Et ça, ce n'est pas possible si c'est filmé, parce que je me déplace où je veux, je parle avec qui je veux. Mais tu peux le monter après. Oui, mais ça voudrait dire un nombre de caméras interdit. Mais la maison dit, je lui propose ça, c'est irrentable au possible. Oui, mais dans ce cas-là, t'en filmes deux. Si un soir tu fais deux spectacles, par exemple, tac, t'en filmes deux, bang bang, non, les caméras sont installées. Je crois que le prix est exorbitant, non? Non, on va te gérer ça, nous, à l'iPhone. Tu parles à quelqu'un qui a capté deux spectacles, non? Ah ouais. Bah quoi, il va le produire le prochain, écoute. Je te le jure, je peux te le faire. Non, c'est pas très cher. Regardez, les gars, ils s'arrangent. Attends, c'est ta femme, profite-en. C'est pas très cher. Une fois que t'as positionné tes caméras, tu fais deux soirs pour avoir une sécurité et tu prends le meilleur des deux soirs et ça te fait une multitude d'images. Et c'est tu t'habilles pareil. Ouais, mais c'est maintenant que tu lui demandes des écrans géants et des feux d'artifice. Non, mais ça, je sais déjà. Non, mais je t'assure. Et on est en train de se convaincre là. Je vais y réfléchir. Au moins, j'y réfléchis. Non, parce que là, sa petite voix, si tu veux, c'était. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, déjà, c'est trop mignon. Sarah. Et en plus, c'est qu'elle a l'impression. J'ai l'impression que. En fait, faut pas que je pense que par rapport à moi. Ouais, mais là, voilà, en fait, c'est qu'elle en a peut-être besoin aussi. Donc, je vais réfléchir. Écoute. Sarah. Ouh. Je te promets rien. Sarah. Sarah. Oui. Sarah, accroche. Avec la petite technique qu'a donné tonton Koé, il peut plus dire non. Je crois que je l'ai serré là, il peut plus dire non, c'est fini. C'est un peu court là, mais je vais essayer. Oh, je vais te débrouiller avec ta maison de disques, ils vont se débrouiller, ils vont dire oui. Allez les gars, prépare le chèque, à l'ordre de quoi. On se débrouille. Bisous ma petite Sarah, à bientôt. Gros bisous, à dimanche, Sylvie. Ah, chérie, à dimanche, t'as deux ronds? Oui. Cool, bah dimanche. J'aime. Mais quel âge t'as, Sarah? Je t'aime, quel âge tu 14 as ans. 14 ans, j'aime trop ta voix. Je te fais un gros bisou. Garde son numéro. Eh, dis donc, oh. Eh, oh. Mais non, j'ai invité des. Ouais, ouais, ouais, je veux pas en savoir plus. Merci, à tout de suite, on revient. 22h, Énergie, Guillaume. Et parfois, même les provinciaux, quand ils arrivent à Paris, deviennent plus parisiens que les parisiens. Il y en a qui en font trop. J'ai des potes comme ça, moi. C'est marrant, parle, c'est vrai, après. J'habite sur les hauteurs. Ah. Tu vois pas Rosa Bonheur, Guillaume? Non, Rosa Bonheur, c'est une péniche. Un petit peu de rosé, Rosa Bonne. On va faire un apéro, je prends la gratte. Guillaume Radio 2.0 ce soir 22h on NRG. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play a game. Jouer encore. Le 19 octobre, retrouvez Énergie au Parc Astérix. Gagnez des places pour assister à l'émission de Manu dans le 6-9. En direct du Parc Astérix, avec Énergie. Salut, c'est Manu de Manu dans le 6-9. Écoutez Manu de 6h à 9h30 sur Énergie. Chaque matin, Manu vous offre des places pour vivre l'expérience inoubliable de Peur sur le Parc le 19 octobre. Énergie, it's music only. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Fumer sa clope. Oh, Tessiquel, tu viens ou pas? Hey, on t'attend. C'est pas bien. Les jeunes, fumer. Les jeunes. Regardez, regardez ce que ça fait de fumer. Vous avez vu? Vous perdez l'odorat, vous perdez le goût, et vous êtes en retard. C'est ça que vous voulez? C'est ça? Eh ben non. Ben voilà. Regardez. Voilà. Tessiquel. Ah mais ils sont toujours pas là. Non, mais attends, tu veux que j'aille les chercher? Ça va gueuler. Ah là là là. Mais hey, Julie, vas-y, mais défonce-les. Ouais. Je Julie, tu repasses en savon. Julie, ça va mal se passer. Hein. Tiens, je veux dire bonjour à Constance. Ça va, ma chérie? Quand est-ce qu'on va faire le live s'il est là-haut? Ils arrivent, là, ils arrivent. Constance? Oui. Je suis là. T'es là? Non, t'es pas là. T'as un mot du CPE? Mais non, mais on m'a dit 5 minutes. Là, j'ai largement temps de faire caca. T'as un mot d'excuse ou pas? Tu m'amènes ton carnet de correspondance à la fin, on en parle. Bon, Constance? Oui. Je te présente le retardataire. Je me demande si ça vaut le coup de lui parler, mais bon. Et dans un instant, on va tester les fans avant la chanson. Vas-y, ma chérie, à toi. Oui, coucou Chloé. Coucou. C'est prêt pour savoir si ta soeur sera présente sur une des dates de la seconde tournée du Haut de Vendée Tour. Alors, ça dépend de ses dispos. Parce qu'elle est infirmière. Et ah que... oui, oui ça dépend. Bon, il y a moins de canicule déjà. Hein? En hiver, il y a moins de canicule, donc en théorie, il y a moins de boulot. Ah non, ils sont. Elle est en quoi, spécialisée en quoi? Merde. Oh, c'est sérieux. Uro. Ah. C'est du pipi. Ce sera pratique quand tu vas avoir un public plus vieux d'avoir une sœur qui bosse là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ils puent la clope les deux là. Je suis entre les deux, c'est une horreur. Ouais, on a fumé vide, on nous a dit tout de suite. Le monsieur derrière toi, il m'a dit 5 minutes, l'enfoiré. Et il est content de sa connerie, hein, regarde-le. Bon, voilà, donc elle sera peut-être sur quelques dates, mais il sait pas encore. Voilà. D'accord. Bisous, ma petite Constance. Et est-ce que je pourrais passer une dédicace? Vas-y, est-ce que tu nous regardes en live, là, sur le Facebook Live ou pas? Tu nous regardes ou pas? Non. Pourquoi? À un moment donné, on se fait chier à mettre des caméras. On se fait... Pourquoi tu nous regardes pas? J'ai plus de batterie sur mon ordi, mais j'écoute de l'autre côté sur mon iPad sur la radio. Elle a raison, faut écouter la radio aussi en même temps. Tu peux regarder sur l'iPad aussi. Le principal, c'est qu'elle nous suive. Oui. Voilà. Je te fais un gros bisou, ma belle. Vas-y, fais ta dédicace. Vas-y. D'abord, c'est un message pour Tinez d'avoir d'Alicia. Elle m'a dit de te faire passer qu'elle t'aime très fort. Mais tu diras que j'aime très fort. Bah, elle écoute. Bah, bonjour, ouais. Alicia. C'est une dédicace à Cyrielle et puis à Alicia. Alicia. Tu vas où, chérie? Alicia. Bisous, ma belle. À bientôt, Constance. Au Picardie. Au revoir. À bientôt. Hein. Bisous, Picardie. Bisous, Alicia. Salut, ma chérie. Embrasse Alicia. Bon, attends, on aura Charlotte, on aura Manon, on aura Camille. On va se faire un titre dans un instant. Lequel on fait en live en premier? Bon, ce que tu veux. Hein. Bah, la nouvelle, celle qu'il te faut. On aura un record à battre après avec Loris. Mais d'abord, est-ce que le public mérite de voir le live? Puisqu'ils sont là depuis tout à l'heure, ils se sont battus, ils se sont inscrits. La question est battus. C'est dur, c'est dur. Ça. Il y a eu de la boue ou pas? Bah non, mais quand tu vois, il y a du monde dehors. Ceux qui sont dehors, c'est qu'ils n'ont pas pu rentrer. On a raison, tu as raison. La question qu'on va se poser tous maintenant, c'est que vous allez mériter votre place pendant la chanson de Kinvey. Le principe, c'est que je vais mettre des chansons. Je vais l'arrêter à un moment. Si vous pouvez la continuer, vous restez. C'est-à-dire que moi, je vais chanter, tu vas m'arrêter en plein milieu. Non, pas toi. Si vous ne pouvez pas la continuer, je vous mettrai à la porte du studio. C'est méchant. Je sais. Oui, mais c'est comme ça. Tu as le droit de leur faire un bisou, moi. Non. Pas bisou et dehors. Et mot des parents. On commence par la chemise de cow-boy. Cow-boy. La chemise de cow-boy. C'est quoi le prénom? Léa. La première qui aide, elle sort en même temps. Alors elle, je suis même pas inquiet. Je le dis. Ah ouais? Non. Pourquoi? Je la connais. Ah bon, d'accord, ok. Pas inquiet. Tu veux que j'aie des problèmes? T'as pris le bon passage, hein. C'est un passage super difficile. Pendant que tu vois ta vie s'étaler haut dans les médias, tu te dis que l'addition est salée haut dans les médias. Bravo. Bien joué, petit cow-boy. Tu restes, on continue, on va là à gauche, là, celle qui a le t-shirt de Kinvey. On est à gauche, tout. Voilà le prénom. Ah bah c'est Léa. Que je fasse tout pour vous satisfaire, que je me fasse beau, plus pour te plaire. Bien joué. Ah c'est bien. Non, est-ce que juste pour mon kiff, tu peux prendre celle qui est juste à sa droite parce qu'elle est très stressée et je me dis qu'elle peut foirer. Attention. Ah. Le prénom. Salut toi. Le prénom. Tu l'as mis bien. Andrea. Ça va Andrea? Non, on dirait pas. Allez, chance. Personne n'a quitté, oh. C'est dur, tu sors. Ton maître d'école. Bien joué. Oui, c'est. Attendez, excusez-moi, je peux reprendre la contrôle de cette émission? C'est facile. Une jeune fille fait. Elle est stressée, le stress. Le stress, elle a 10 mètres d'école, elle a la rime. Mademoiselle, maintenant, c'est vous toute seule, on ne vous aide plus. Vous ne parlez pas, il faut chanter dessus. C'est quoi ton prénom? Andrea. Andrea, tu joues ta présence pendant le live, Andrea. Non, arrête, elle va chialer, fais pas ça. Audience. J'aurais jamais dû te dire toi, excuse-moi, chérie. D'avoir dû quitter naguère ses amis, ça me passait. C'est ça! Allez, on continue, on va aller à derrière. Les lunettes de la dame, les lunettes magiques. Là. Ah, madame, Laurent Bouzy. Voilà, Laurent Bouzy. Oui, Laurent Bouzy, là, c'est vous que je parle. C'est vous. Voilà, allez, on y va. Allez, non, le micro. Allez, on prend le micro. Elle connaît pas. C'est quoi le prénom? Sa petite fille. France. Vous connaissez pas les paroles, France? Pas du tout. Bah, sortez. Oh. On fait un essai? Oh, on fait dur. Un essai? Bon, effectivement. Bon, alors, on va prendre à gauche. Passez le micro là. Non, encore à gauche. Encore qui est-ce qui fait le videur? Tu chantes fou? Pas grave, on est deux. J'ai cessé de me lamenter pour que la vie a pleine dans mes selon mes idées. Je vais mes envies pleines. Non, ah, mais des plus faciles quand même. Ça allait facile. On va bien sortir quelqu'un aussi, bordel. Alors, à gauche, tu me passes le micro à gauche. Mais enfin, si au deuxième mois, on mettait que des gens qui connaissent pas Kinvey, excusez-moi, à un moment donné. Tu connais, t'es fan? Micro dans la bouche. Ouais, vite fait. Oui, j'entends, mais je retiens pas trop les. Bah, j'ai deux tuyaux en même temps, je peux pas tout faire. que la lumière va s'éteindre. Elle est dure celle-là. Quelqu'un sait reprendre. Elle la connaît la maman à côté là. Passe. Merci Julie pour ce moment qui est juste. Elle la chantait. J'ai mis les lèvres. Ça mériterait qu'on évacue le deuxième rang. Vous me sortez tout le deuxième rang. C'est la dame en blanc, elle chante tout. Passe à la gauche, passe à la gauche parce qu'elle chante tout. Amenez le micro à celle à gauche, alors on va voir tout de suite. Je mets cette chanson. Elle est facile celle-là. Te voir danser, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ, je veux t'offrir. Ouais. Bien joué, vous me sortez. Ah ouais. Tout le deuxième rang, à part la demoiselle en blanc, vous me sortez. Allez, tout le deuxième rang, s'il vous plaît, à part la dame en blanc. Est-ce que j'ai le droit d'aller en chercher dehors? Non. C'est... Ah bon? Ah non, sécurité. C'est... Ah merde, c'est vrai. On veut faire ce qu'on veut. Voilà, au revoir. Prochaine fois, fallait réviser son kinvé. Au revoir. Non, la petite. Elle a pas chanté la petite. Bah, elle peut pas, elle a 2 ans. La petite reste avec nous. Au revoir. Allez, on sort le deuxième rang. Deuxième rang, on sort. Non, elle reste avec nous. On sort. Voilà, on sort. Voilà, nous attaquons. Le troisième rang, passe-moi la demoiselle là à gauche. J'ai gagné une petite fille. On y va, mademoiselle. Comment tu t'appelles? J'aurais mis une capote. Non, écoute. Tu rends les repas de famille. C'est dans mon salon là. Tu sors. Vas-y, tu sors. Pas d'excuses, vous sortez. Pas d'histoire. Vous sortez. Le jeune homme à côté, c'est quoi le prénom? Moi, je peux sortir. Tu sors direct. Vas-y, sors s'il te plaît. À côté. Moi, je vais y aller. Je m'avoue. Allez, à côté. Elle, je suis pas arrêté non plus. Je vis mes envies pleinement. Et voilà. Talent, tu restes. Ah oui. Pour le décolleté déjà, restez. Le jeune homme, toi là. Je suis pas inquiet non plus. Attention, ouais, je vais t'en prendre une dure elle là, bouge pas. Comme par hasard, oui, bah voilà. Tu sors, allez. Allez, tu te fais avoir. C'est la plus dure, t'as mis la plus dure. Tu sors, c'est pas mon problème, c'est dur, je suis dur. On prend la demoiselle là-bas, la blonde. Attention, mademoiselle, ça va être à toi. T'es au courant qu'après, j'aurais pu te dire pour chanter. Tu sors aussi. C'est l'hécatombe. Tu sors aussi une hécatombe. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Je sors aussi. Sortez. Ah là là. Moi, bon, j'aimerais bien voir Maître Gims. Allez, je me suis planté dans 15 jours. Bon, eh ben, Kinvé, maintenant, je t'ai laissé 5 c'est personnes. Sympa, tu vas chanter devant une belle ambiance de merde. Ouais. Mais c'est les vrais fans. Voilà. C'est les vrais. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Ils font autant de bruit. Bah vas-y, mets-toi en place. Ouais, attends, je suis chaud maintenant. Ah. Conneries, là. Et là, je sais ce que vous vous dites chez regarde, vous à la maison. Regarde, il se jette pour piquer les places des autres, du coup. Non, mais je sais ce que vous vous dites chez vous à la maison. Vous vous dites, c'est dur, il y a des gens qui sont venus avec des enfants. Ah, oui, il les a sortis tous dehors. Mais c'est la règle. Et bah, c'est la règle. Et vous vous dites, ce mec n'a pas de cœur. Et bah, non, il en a pas. Voilà. Par contre, allez, vous savez quoi? Ouvre la porte, Guillaume, fais re-rentrer. Allez, tout viens, le monde. Venez. Allez, fais re-rentrer. Ils tout se sont fait monde. Piquer leur place, par contre. Voilà, rentrez. On rentre. Allez, on rentre en rang. Et on fait pas les malins, on n'avait pas révisé ça le son, d'accord? On se dépêche. Madame le Bretonne. Oui, Françoise. Françoise, tu feras ton fest-noche chez toi. Va t'asseoir. Va t'asseoir, Françoise. Vas-y. Elle n'est pas contente. Pendant que tout le monde s'installe, faites du bruit pour Kinvé. Yeah. Depuis je t'ai trouvé, j'ai tant de choses à dire dont à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance, si seulement tu m'accordais au moins une chance. Je veux faire de ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses, même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Dis-lui j'aurai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. J'aurai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Mon sourire ne sera qu'un souvenir. Après le bedor, tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi fonds-nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque dans notre amour. Est plus fort que tout, lady. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Tu feras de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve, si tu me laisses la première place. Oh, baby. Donne-moi ton cœur, donne. Allez, donne-moi ton cœur, donne. Je ferai de oui, ta vie allez, un donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Ouais, pourquoi tu dis whisky, Françoise. Oh, c'était bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, dans le titre, on n'avait pas fait gaffe. Whisky. Et maintenant, on entend whisky. Whisky? Et ben pour nous, ça sera whisky. Voilà. Ah, c'est vrai. Il commande au bar en même temps. Whisky. Ah, mais bon. Attends, je n'ai pas entendu, Loris. Si tu ne prends pas ton micro, on ne peut pas y arriver. Qu'est-ce que tu dis, Loris? Nous coupons le Facebook Live. Pourquoi? Parce qu'assez de plaisir partagé. Eh bien, je fais un gros bisou à ceux qui nous suivaient. Sur, ouais. Tu l'as coupé déjà? Ah bah j'ai pas le temps de te renvoyer, t'as fait ça comme un porc. Je reviens à la vidéo. Ah bah non, tu viens de le couper. Non, c'est pas grave. Mais on comprend rien à ce que tu dis, mec. T'es en micro. Parle fort, on a un casque sur les oreilles, merde. Depuis tout à l'heure, il fait des... Ah bah c'est vrai. Alors vas-y, Lolo. Va-t'en. Allez, vite, on perd du temps, faut faire le défi, les gars. C'est pas chelou. C'est bon, on est encore en ligne, dis au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Bisous Facebook Live. Suivez-nous sur Énergie maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'on a le temps de faire? On fait un bisou à qui? À la petite Charlotte ou pas? Eh ouais. Pas le temps de Allez, si, ça va Charlotte? Dans un instant, on fera. Défi, moi. Quoi, tu vas te calmer. Allô. On va le faire le défi. Dans combien de temps? Après bicycletta? Ouais, si tu veux. Ouais. Alors, Charlotte, bicycletta et défi. Ok. Ou défi tout de suite? Ah ouais, j'aimerais bien. Ah ouais. Parce que si là, on a un troisième essai au pire. Et on a encore plein de choses à faire avec Kinvé. Ouais, je sais. Allez. Charlotte, pose ta question. J'ai envie de prendre mon temps. Non, Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bonjour. Bonjour. Bonjour Lolo. L'équipe et bonjour Kinvé. Bonjour madame. Donc... Bonjour. Encore fait. Tu sais que t'as pas de temps, toi. Hein? Tu sais que t'as pas de temps. C'est toi que t'as pas de temps. Pourquoi? Mais je sais pas. Tu fais des clowneries. Mais je fais des clowneries. Bah oui, je vais rigoler. Alors vas-y ma belle, vas-y. Donc Kinvé, ça serait pour savoir. T'as parlé d'une surprise pendant l'acte 2. La définition d'une surprise, tu iras la chercher sur Wikipédia. Un indice, ce n'est pas physique. Ah, oh, j'ai l'impression. Dit, il n'y avait pas Ryan, il n'y avait pas Lorelai. Oh, j'ai l'impression que c'est une indice super fourrasse. Ouais. Il a dit, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Une surprise reste une surprise. Une surprise. Il faut que je pense que j'attendrai le 26 novembre alors. Un coming out? Non, je pense que tu le sauras avant. Non, c'est déjà fait, quoi. Tu le sauras avant, mais tu ne sauras pas ce que c'est. Oh, et ça sera la même. Bah non, pas je la même à chaque fois. Compris, moi. Ah, oh, si, ouais, ça va. Il fait des surprises, c'est des surprises. Bah oui, si. Bah oui, mais. Il y a que Chloé qui balance des surprises avant. Toi, tu peux pas t'empêcher, toi. C'est ça. Ouais. Tu dis rien à personne, tu viens à mon concert. Ah, mon spectacle. Tu viens à son spectacle, tu dis il est là, tu mets. C'est vrai, ça. Que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ah, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. C'est arrivé. Bonjour. Alors, Madame le juge, je vous présente Kinvé. Bonjour, Madame le juge. Ça ne va rien changer, mais nous allons tenter tout à l'heure. Donc, on va rebattre un record. Je redis pour ceux qui ne savaient pas. Donc, nous avions fait il y a quelques mois combien ? Loris avait fait 60 ballons. Il avait écrasé 60 ballons en une minute. Ouais. Ça a été rebattu par un Américain, Ashrita Furman. Il a fait 68. D'accord. Voilà, le record à battre aujourd'hui est 68. D'accord. Voilà. Donc, on est d'accord, il faut qu'il fasse 68 ou plus. Voilà, 68 minimum. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis qu'en fait c'est en moins d'une seconde. Ouais. Faut que tu les pètes avec ton cul en moins d'une seconde. Pardon. Exactement, c'est ça. T'es prêt ? Attends, maintenant tu te concentres. Écoute, t'es mon champion. Ok. Putain, lolo. Allez, tu vas me les battre, le les Américains. Y'a Kinvé qui te regarde, ah, le public te regarde. Soutenez-moi, Loris, s'il vous plaît, faites Loris, Loris, Loris, Loris, Loris. Allez, Loris, Loris, Loris, Loris. Allez, à partir de maintenant, faut que tu sois notre champion. Dès qu'on dit go. Allez Lolo, tu peux le faire. Un mot avant ? Non, zéro mot. Un mot, ouais ! Les gars, vous vous êtes entraînés ? Vous avez géré le business ? Alors on a Mehdi et Pietre. Hein. Attention. Et pas, sois pas à 15 mètres de la chaise. Allez non plus, les gars, hein. Là. Oh, juste à côté. Madame, c'est vous qui faites le décompte et ils y vont. Vous êtes prêts ? Oh. Okay. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, allez Lolo. Vas-y, doucement. Vas-y, allez, les gars. Doucement. Mehdi, Pietre, vas-y Pietre. Pietre. C'est bien, c'est bien, vas-y. C'est bien. Vas-y, enchaîne. Ouais. Vas-y, Lolo. Deux par deux. Allez, non, tu peux pas, t'as pas le droit. C'est un par un. Ah, c'est bien. Combien de temps il reste ? Combien de temps il reste ? Pousse-toi, pousse-toi. Il reste 30 secondes. Vas-y, Lolo. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Vas-y, vas-y. Allez, t'es bon, t'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Encore. Je te masserai les fesses après. Mettez bien le ballon. Attention, les deux en même temps, ça compte pas, les gars. Allez, allez, allez, allez, Lolo. Allez, allez, allez, allez, allez. Encore 6 secondes, 6 secondes. Allez, 6 secondes. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, donne tout, donne tout, donne tout. Donne tout, donne tout. Ah, il a le cul défoncé. Oh là là, viens là, moi, Lolo. Déjà qu'il avait mal avant, alors là. Il a la tête, tu l'as. Oh là là. déjà qu'il n'était pas bien avant, mais alors là, bravo les gars, c'est bien ah aussi. Là, le pauvre, il est blanc. Alors, j'ai quand même à vous dire, si vous n'avez pas suivi le Facebook Live, qu'on lui a massé les fesses parce qu'il avait déjà le dos en vrac. Ça va, ça va. Elle est pas bien, elle est pas bien. Alors là, je te jure, elle fait une tête toute bizarre, la dame. Madame. Oh là là, elle a pas l'air contente. J'ai peur. Alors, je rappelle que le record à battre est de 68 ballons. Oh putain. Loris, vous avez fait un total de 67. Oh, oh non. Je connais. Oh non. Oh non. Ce n'est pas de mon record. Oh non. Non, cette déception, mec. Oh la loose. Mais non, mais t'as mal, mec, t'as mal. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc? C'est-à-dire on a assez de ballons là, les gars? Non, je crois pas, si. Attendez, oh là là, attendez. On peut le refaire, on avait dit trois fois. C'est la deuxième là. Ouais, c'est la deuxième. On a encore une tentative. Oh, t'as fait combien la première? 67. Mais on a plus assez de ballons, les mecs. C'est juste le problème. On va en regonfler. Eh ben, on refait, de toute façon, on a encore Kinvé qui est avec nous. On vous êtes sûr? Ouais, on peut. Il y a la vidéo, hein, si vous êtes fait une erreur, on va. C'est quand la pub, Jimmy? Là, dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Parce que les deux ballons en même temps, ça ne compte pas, les gars. Alors, attends. On va faire un truc. Tu balances la pub tout de suite. On va redescendre avec le public. On va regonfler des ballons. On va faire un live. On n'est pas bien, là. Et il y a une pression incroyable. Ouais. Ça se passe sur Énergie. À tout de suite, ne bougez pas. Bouge pas, mon Kinvé. Je suis en pression, alors que je veux que ça arrive. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. Il y a une étude française qui dit que les insectes ressentiraient des émotions. Non. Notamment de la frustration lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre un but. Tu ressens la peur, par exemple, chez le moustique. Quand j'approche ma tongue, tout de suite, elle s'en va. Alors moi, je dirais plus que c'est du défi. Hein, parce que le moustique sur le mur, quand j'approche ma tongue, il est là à me narguer. Il me fait, mais t'es con, tu crois vraiment que tu m'as voir avec ta tongue. Après, on a bien compris aussi que quand il bourdonne toute la nuit et qu'il passe devant ton oreille, c'est pas de la frustration, c'est juste, je t'emmerde. Rendez-vous demain, 6h, 9h30, sur Énergie. 50. Ah, docteur, 50, je ne sais plus quoi 50, faire. 50, même 50, la nuit, c'est grave. 50, bah, il souffre d'une quinquagite. 50. Une quinquagite ? Oui, c'est assez courant depuis que Free a lancé son forfait mobile avec 50 gigas en 4G à 19,99€ par mois. 50. Et ça soigne ? Ah oui, prenez-lui un forfait sur mobile.free.fr, c'est sans engagement. Oh, merci, Free. Merci, docteur. De rien, déshabillez-vous. 50. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine avec mobile 4G. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. Écoutez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. Et gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3, disponible le 7 octobre sur PS4. J'aurais pas dû dire non. Avec Énergie, Hit Music Only. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pepe Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la high-tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouer encore. Ce soir... Dans un monde meilleur... S'installe chez Koei sur Énergie. Oui, on est là sur Énergie et plus personne ne fait applaudir le public parce que tous nos tout assistants sont partis chercher des ballons. En fait, tout le public gonfle les ballons. Hein. Voilà, et donc, on n'y arrive pas. Hein. Je veux dire, c'est une tanasse. En plus, on a une bonne équipe de gens brillants qui m'ont dit, elles sont où les machines? Bah, elles sont dans les bureaux là-haut. mais c'est plus facile à gonfler avec la bouche parce que les machines. Stouff, c'est une américaine, c'est une championne. Mais les auditeurs les soufflent. Les auditeurs sont en train de gonfler des ballons puisque Loris, nous allons tenter ce record. Loris, 67, mec. Tu sais pourquoi t'as pas été bon? T'as pas été bon parce que t'as été magnifique et les 20 dernières secondes t'as merdé. Non, il a été excellent les dernières. Tu rigoles, il a tout donné. Non, il y a eu 3-4 secondes où il s'est rien passé et là t'as perdu trop de temps. Voilà, il y a eu 3-4 secondes où t'as écrasé une queue de ballon, il y avait rien. Tu reverras les images, c'était ridicule. Mais tu peux le faire. Pendant que tu peux le faire, ou tu as pas envie de chanter, toi? Mais si, mais on me dit rien, moi. On me dit qu'on Mais si, mais le coup, on l'abandonne aussi. Tu vois bien avec que tout le monde t'attend. Mets-toi en position, mon ami. Est-ce que ça vous brancherait qu'on se fasse un live avec Kylvé? Ouais. C'est quoi ta chanson? C'est quoi ta chanson préférée, mon chéri? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Laquelle? Qu'est-ce que t'aimerais bien? C'est mademoiselle, même celle qui n'a pas le droit de chanter. Il y en a qui n'a pas le droit de chanter. Comme quoi? Alors, la copine. Oui, la fée. La fameuse fée, non, pas le droit. La fameuse copine 2. Ah oui, bien sûr. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Si t'avais su, il a pas le droit non plus. Si, il a le droit, ça. Merci. Si, c'est l'écho. Amine Caporte. Caporte. Et puis ta nuit, j'aurais su. Amine Caporte. Vous êtes fiers de vous? Non, mais non. Vous êtes fiers de vous ou pas? Tout de suite, je me trompe. Et arrêtez avec les ballons. Enfin, on en a besoin pour un truc du monde. Merci, jeune homme, c'est bien. Lui me le donne en disant, moi, je l'ai bien fait. Pendant ce temps-là, levez-vous, faites du bruit pour Kylvé en live sur Énergie. Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. J'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendus. Car à mes yeux, je t'aime et devenu bien trop répandu. Sortir de ta vie morose, je serai le fer. Je serai voué à ta cause pour te satisfaire. Je ferai pousser des héros sans plein désert si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi ou peut-être pour la vie. C'est vachement pratique. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant. Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent. Personne n'a désoulevé en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Et je te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une fille comme toi, y'en a qu'une, dont je compte pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies inavouées. Oui, si tu nous laissais. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je t'emmènerai là où tu voudras, jusque sous les draps. On réinventera le Kama Sutra. Entre nous, il n'y aurait aucun tabou. Je te ferai des câlins tout doux, tout doux. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout pour entendre des mots doux sortis tout droit de ma bouche. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Yeah. Ou peut-être pour la vie. Tous les deux sous la couette, tu trouveras ta chouette. Quand sur le mur la lumière projettera nos silhouettes. Des petits mouvements saccadés, d'un coup je m'arrête. Toi tu as la parole et tu resteras muette. Car je vais tellement, tellement tant te donner. Que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi des talents qui jusqu'alors t'étaient insoupçonnés. Yeah. Ou peut-être pour la vie, yeah. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Ou peut-être pour la vie. Oh oui, elle est belle, elle est belle, elle est oui, elle est belle et élégante. Elle est belle, elle est belle, elle est oui, elle est belle et élégante. Elle est belle, elle est belle, elle est oui, elle est belle et élégante. Ou rien qu'une fois, choisis-moi. Vous irez voir en concert partout Il sera à Châlons, Champagne, Amnéville à Rouen. Ça démarre au Zénith de Rouen, à Grand-Quevilly. C'est dimanche 9 octobre. Ensuite à Cournon, à Périgueux. C'est au Zénith d'Auvergne, hein, Cournon. Hein. Périgueux, Niort, à Paris, au Zénith de Paris le 23 octobre. Et puis ensuite, ça se balade au Radiant. Et puis ensuite à Mâcon, Saint-Etienne, Le Havre, Le Mans, Mouilleron, Le Captif. Mais ça, vous l'avez compris, c'est le vent d'espace. C'est une grosse salle. Hein. Calais, Le Calypso, Douai, Beauvais. À Pau, Albi, Aurillac. Ah, je vais faire aussi Pau, le Zénith de Pau. Ah ouais, pour c'est le one vrai man. Ouais, c'est sympa. L'année prochaine, on va faire ça. Ouais, ouais. Il a l'air bien, il a l'air bien. Le One Man. Non, le One Man, je sais qu'il va être bien, c'est toi qui le fais. Ah, c'est le même que j'ai vu. Oui, c'est t'avais, le deuxième. T'avais vu l'un des premiers. Ah bah non, mais l'extra. Oh, c'est gentil. Ah, c'est, mais ça, c'est, ouais, oh, mais c'est gentil, mon bichon. C'est vrai qu'il est énorme. Et le Zénith de Pau, tu vas le kiffer aussi. C'est une très belle salle. On l'a déjà fait une fois. Tu vas le faire. Alors, la question qu'on se pose tous. Est-ce que nous avons réussi à gonfler assez de ballons pour que Loris batte son record? D'abord, avant de tenter le record, il faut compter les ballons. Oui, a priori, c'est bon. On a combien? Le public, remontez. Alors, on a plus allez, de remontez. 67. Remontez, allez, les amis. Faites un petit nœud, parce qu'il y a une jeune fille qui a gonflé le ballon, mais elle l'a donné à sa mère en disant « je ne sais pas faire le nœud ». Ce qui était un très bon travail d'équipe, mademoiselle. Bravo, c'est très très bien. On a gonflé les ballons, dansé, chanté en même temps. Ce soir, c'est un peu wouh. Ce soir, c'était le bordel. C'était mais le c'est bordel, aussi pour on ça qu'on dire, est numéro 1. J'ai Julie. L'impression, c'est souvent quand vous m'invitez avec celle-là. Oui, les c'est enfants. Vrai. Ouais, ouais, mais parce ouais, que t'es ouais. le copain, donc mais on a l'habitude. Soir, voilà. Il est où ton micro? Tout le monde monte. Le micro. Oui, le micro. Je l'ai laissé là-haut parce qu'en fait, je gonflais les ballons. Ah d'accord. Bah, il va prendre le ballon. Voilà, prends le micro, pas le ballon. On laisse monter le public, on les laisse monter tranquillement. On les laisse s'installer. Laisse-les monter. Ah pardon. Double pas. Je double pas. Il est beau ce petit bomber. S'il est beau, c'est un petit. Je l'ai mis pour toi. Il est doublé, c'est joli. C'est un petit. C'est pas mal. Hein joli, je trouve. Merci. Bien, t'aimes bien les chaussures? Ouais, c'est joli. Si c'est beau. C'est beau, c'est. Moi j'aime bien le. C'est pas du papier peint, c'est un t-shirt. Pardon, excuse-moi. Ouais, tu parles avec sa chemise à carreaux qu'on met plus à 10 ans, lui. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est un petit côté Stromae. C'est pour ça qu'il va aller chercher du bois. Allez, on y va. Mais il est allé chercher du bois, rigole pas, l'hiver arrive. Bon, alors donc, on est en train de monter. Tu regardes Game of Thrones, toi? T'as dit non, l'hiver arrive. Nous allons. Tu dis pas l'hiver arrive? Non, l'hiver vient, on dit nous, Game avant of Thrones. Je dis l'hiver arrive. L'hiver arrive, malheureux. Yeah. Alors, nous allons donc tenter de tu battre ce. Comment? Tu viens de dire à Julie qu'elle a un beau petit cul. Non, j'ai dit qu'on avait une belle vue. T'as vu ou pas? C'est nous, on regarde plus Julie, c'est un copain, hein, puis on se permettrait pas ça. Hein. Alors. Non, moi, c'est une vieille donc... dame, mais allez, attention, là maintenant. Non, je rigole. Là maintenant, nous allons tenter. Là, je dois dire que c'est la dernière chance. Excusez-nous. Les mecs, toi, concentre-toi sur tes fesses plutôt que de faire des vannes. Alors, pardon. Qu'est-ce qui se passe, Pietre? Tu auras assez pour aller chercher les ballons là-bas? J'ai un assistant. Ok. Non, les mecs, Lolo. C'est la dernière chance. Ah, première c'est... fois, nous avons fait 60... Non, loin de ça, on s'est arrêté en cours de route. La première fois, on s'est arrêté à 25 secondes. Deuxième fois, 67. Non, 67. Tu veux pas nous mettre un clic de plus, là? T'aurais pu, sans déconner, t'aurais pu faire un effort. Hein. Ouais, je suis officiel. C'est pour ça qu'elle était pas bien. Ouais. Bon. Eh, les gars, faut pas se louper là. Hein. Les gars. On a assez de ballons? Vous mettez lui bien sous les fesses et toi, te décale pas. Et, allez, hein, Lolo. Tu gardes ce petit mouvement. Oui, j'y vais. T'es mon champion. Il y aura c'est son moment minutes, préféré mon là. Champion. C'est son moment préféré, Loris. Allez, à partir de maintenant. Et Lolo, tu peux le faire. Il lui dit plus fort. Il y a un mec derrière lui. Il fait vas-y, plus fort, vas-y. Ça y est, on va peut-être y aller. La séance passe. Record du monde, les gars. On joue pour un record du monde. Attention. Les gars, allez Lolo. Pas si loin peut-être si tu veux te mettre loin comme ça. Est-ce on que tout est en position? Ouais. Sûr? Allez Lolo, tu peux le faire. Attention, c'est la dame Guinness Book qui donne allez. Le top. Et le public vous l'encouragez. Prêt? 3, 2, 1, go! Allez Lolo! Allez, continue, t'as le bon rythme, t'as le bon rythme, allez, allez, allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y, allez, allez, vas-y, vas-y, allez les gars, tu peux le faire, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 6, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, vas-y, 15 secondes! Tu peux y arriver, mec! Tu peux y arriver! Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Allez, allez, allez, allez! Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! 5 secondes! 5 secondes! Allez! 5 secondes! Encore! Encore! Allez! Top, top, top, top, top! Vous avez merdé à la fin! Mais qu'est-ce que vous avez foutu? On y est! Non. Tout à l'heure, vous m'avez sorti des cotillons pour rien, vous les avez rangés comme des cons juste après. Hein. Madame, il faut faire 67, je vous assure, il a fait 67. Si on n'y est pas arrivé là, je pense que le mec se pend. Comment vous le sentez? On joue pour un record du monde. La France peut reprendre le record là. Sur cette troisième tentative, vous avez fait 77. On est champion du monde. Champion du monde. C'est une belle histoire. Putain. C'est beau. C'est j'ai envie de dire vive la France. J'ai envie de dire tant pis pour l'Américain. Tant pis pour l'Américain. Tant pis, c'est bien joué. Voici le Guinness Book. Loris a battu ce record du monde qui est à nouveau français. Un moment de joie, un moment d'amour, un commentaire. Je n'ai jamais vécu une émotion aussi grande. Ouais, on y est. Lui va nous saouler pendant des heures. On vous laisse avec Guillaume, allez voir l'Amérique. Kimbe en concert. Le public, faites du bruit, bisous à toi. Il a même oublié sa douleur au cul. Il a plus mal au cul, mais tu vois, ça va revenir. À demain. Chloé revient demain dès 19h sur Énergie. Lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour, on est là sur Énergie, il est 22h jusqu'à minuit, avec Guillaume Radio 2.0. Avec une bonne petite grippe basse là pour faire l'émission ce soir, bordel de merde. C'est pas une grippe qui vient de démonter. Hein. Et on est là, je parle un peu du nez, je suis désolé les potos, mais on est en direct jusqu'à minuit, quoi qu'il arrive. Y a pas d'enregistré, y a pas de micro, y a pas de best-of, même si on est malade. JM du standard n'est pas malade. Si, un peu Guillaume. Ah, si aussi, ouais, ah, merde. Je commence à avoir un peu de fièvre, je suis dégoûté. Ah, bah, alors, je suis là. JM du standard, c'est une fiotte aussi. Non, pas du tout, Guillaume. Attends, dès qu'il a. Touche mon front, je suis chaud. Et un jour sur deux, il y a un mec qui me dit du mal, j'ai ça. Non, je suis bien. T'as la tête du mec qui a la bonne mine. Ah, alors ça va. Fais pas genre. Ça va, j'ai stagiaire. Ah ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. T'es pas malade, toi, ça en va. En pleine forme. Non, ça va. Très bien. Pour l'instant, ça va. Moi, il y en a un qui est en forme. Voilà. Ça va, Julien ? Salut, Guillaume. Ouais, je suis en forme. En forme aussi. 2 sur 4 et Claude Cadeau ? Ouais, ça va, je suis en forme aussi. Bon, ouais. Bah, la majorité est en forme, oui, c'est principal. Bah, oui. Et j'espère que ça va chez vous. Peut-être une petite grippe, là. Tout le monde qui a ses merdes, là. Il fait froid dehors, là aussi. On est en direct. S'il y en a qui veulent venir faire la radio avec nous, vous êtes les bienvenus, les potos. Le standard est gratuit depuis le téléphone fixe 0870-42-48. 0870-42-48. On se fera Jules tout à l'heure, Boucan. Il est là. Voilà, j'ai le morceau en entier, on va se l'écouter après, on sera Nicky Jam. Avec le hashtag Guillaume Radio, hein, si vous voulez balancer un petit message à l'antenne, les gars, on est en direct, donc vous pouvez y aller. Hashtag Guillaume Radio. Et par texto, Guillaume, et votre message au 6, 11, 12. Si vous voulez venir par texto, balancer un petit message, une petite dédicace à l'antenne. Avec plaisir, big up à Florian, à mon frère, que t'as vu au salon de l'auto. Ah oui, j'ai vu des gens au salon de l'auto. Salut Franck du 59. La blague de JM du standard va-t-elle nous faire rire aujourd'hui? Notre ouais. Standardiste JM du standard nous fait une blague tous les jours à 22h09. On verra ce qu'il vaut. Et puis Jérémy, qui est là, le plus important. Vous tous qui arrivez à la radio. Jérémy, 17 ans, il vient d'une ville anonyme, il veut pas dire d'où il appelle, mais il est là. Ça va, Jérémy ? Salut l'équipe ! Ça va ou quoi ? Salut. Enchanté. Salut. Papa ! Salut. Enchanté. Hein. Je suis désolé de parler un peu du nez, Jérémy. Hein. J'ai pris ce que j'ai pu, là, des effets gants, ouais. De l'Actifed, ah ouais. Actifed de matin. J'ai pris 4 Actifed midi. Bah c'est 4 cachés à midi. Faut en prendre 4. Ah ouais. Ça ne m'a rien fait, voilà. J'ai l'impression d'être bourré aujourd'hui. Bah si t'en as pris 4. J'ai l'impression d'être. Trop de médicaments. Ouais, c'est trop de médicaments. Ouais, je sentais que mon cerveau était plus lent. Ah ouais, c'est parce que t'es pas habitué. Mais c'est possible, ouais. Je pense. Il y a des molécules qui te ralentissent. Tu le sens de ouf. Bah c'est fait pour, je pense. Après. J'étais là en train de chercher des noms tout à l'heure et tout. Je me rappelle plus comment on disait Patrick Sébastien. Je me rappelle même plus. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Il y a les Mafia 3 à vous offrir aujourd'hui. J'aime du standard. Qu'est-ce qu'on offre? Avec les PS4 et le jeu, les deux. Ah, très bien. Ouais, c'est énorme. PS4 plus le jeu. Plus le jeu, ouais. Pour la même personne. Exactement. Bon, bah bien. Et ouais. Comment on fait alors? En fait, il faut nous proposer des défis sur le hashtag Guillaume défie la mafia. Ah, voilà. Sur Twitter. Voilà, vous mettez un petit tweet avec une idée de défi. Ouais. Ce soir, on en tirera au hasard. On le fait. Et on offre la PS4. Exactement. À celui dont on a réalisé le défi, on le fait tout à l'heure. Il y a des FIFA 17 aussi, j'ai aussi, vu. Ouais. On vous les file dans plein de cadeaux. Il y a plein de choses. Même des iPhone 7. Ah, c'est vrai ? Bientôt, ouais, bientôt. Suspense. Ce soir, c'est ça ? Ouais, peut-être ce soir, peut-être demain. Non, mais, non, mais ouais. Arrête de faire ta maison. Il est énervant, je sais très bien. Tu crois que tu fais croire qui ? Mielleux, là. C'est pas ce soir, c'est demain. Voilà, c'est ça, Guillaume. Demain, on a reçu les iPhone 7. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec l'iPad Air 2. Eh ben, s'il y en a qui en veulent, voilà. En plus. Eh ben très bien, voilà. Donc demain, iPad Air 2 en aussi, plus. Ouais. Ah, bah, chambé. Je t'adore, je vous écoute tous les soirs, ton équipe est super. Salut Colline, bah, salut, gros bisous Colline. Hugo et à tous ceux de l'internat de Brémontier à Merval en 7-6. Salut Benji. C'est terrible les gars, j'ai le bracelet, je vous écoute tous les soirs, vous me faites bien oublier les galères, etc. Merci beaucoup. Guillaume et votre message là aussi, 112. Super contente de vous retrouver, j'ai une sale journée. Et juste autant de vos voix de 2 secondes, ça me remonte le moral. Salut Gio. C'est ton prénom, Gio. Salut, bisous de Lyon. Salut, bisous de Lyon. Salut, mec. Salut à toi, Gio de Lyon. Jérém, alors toi, il t'arrive un truc. Et puis, et si vous voulez passer à la radio, vous êtes à la maison. Hein. Guillaume et votre message aussi, 112. Jérémy, on va parler de, des mecs, des meufs, tout ça. Ouais. Tu t'es pris un ultimatum, tu vas nous expliquer. En rapport avec FIFA en plus, hein, c'est marrant. Ah ouais, ah merde. Ouais. Mais alors, juste, attends, excuse-moi, mon Jérémy. C'est juste parce que ton histoire, elle est importante. Et j'ai envie de me concentrer dessus. Mais il y a un autre truc qui est important dans l'émission, c'est la blague de Jim, le standard. Ah, ça y est. Et en fait, je vous explique. On a une sorte de toc ici. C'est qu'à 22h09 chaque jour. On arrête tout. Puis la rentrée, JM du standard nous dit une blague. C'est vrai. Et si après on passe 22h09, ça va nous porter malheur pour le lendemain. Ah ouais. Alors il faut le faire, faut que la blague il commence à 22h09. Donc si tu veux bien, Jérémy, il fait sa blague 20 secondes et c'est à toi après, d'accord? D'accord, pas de soucis. Allez, il est 22h09 et 45 secondes en direct, il y a du foot aujourd'hui. Il y a le Havre, Sochaux et demain pour le Havre. Voilà. En Ligue 2, voilà. On est en vrai direct à la seconde près, JM du standard. Ouais. Vous êtes 1,5 million à écouter. On t'écoute, JM du standard face à 98 Stade de France. C'est ça, c'est des Marseillais en plus qui vont écouter la blague. Très bien. Donc c'est un Marseillais, un Parisien et un Lyonnais qui sont arrêtés complètement sous en Arabie Saoudite alors que la consommation d'alcool est interdite. Donc le sultan il décide de les punir et il leur dit pour la consommation d'alcool vous aurez une punition de 50 coups de fouet mais puisque voilà vous êtes des étrangers, vous ne connaissiez pas l'interdiction, je vais être bon. Avant la punition, vous avez droit à un souhait. Donc le Lyonnais il arrive, il dit moi je voudrais que vous m'attachiez un coussin sur le dos avant de me fouetter. Donc il pose le coussin mais au bout de 25, bam, le coussin il explose et il en peut plus, tu vois, il a le dos en feu. Le Parisien, il voit ça, il demande deux coussins sur le dos, tu vois. Mais pareil, les deux coussins, ils explosent. Maintenant, c'est au tour du Marseillais. Le sultan, il lui dit bon, voilà, puisque t'es Marseillais, je suis un grand fan de foot, j'adore l'OM, je vais être gentil avec toi. Genre. Tu auras droit à deux souhaits, mais choisis bien. Alors le Marseillais dit ok, moi j'ai déjà choisi. Moi, je vais recevoir 100 coups de fouet au lieu de 50. Et là, le Parisien et le Lyonnais, ils sont surpris, tu vois, ils prennent pour un fou. Et le sultan, il dit je te comprends pas, mais ok, pour le double des coups de fouet, il n'y a pas de souci. Et ton deuxième souhait, c'est quoi? Il dit ben, je veux qu'on m'attache le Parisien dans le dos. Alors, on s'en branle que ce soit parisien, marseillais. Oui, non, mais juste la vanne, elle est bonne. Évidemment, merci, Guillaume. JM du standard, là, comme par hasard, tourné à Sasson. C'est bizarre, hein. Je vous fais pas de dessin dans quelle ville vient JM du standard, voilà, ça s'entend. Ouais. Avec son du Sud, marseillais. Donc voilà, ça. Mais en tout cas, elle est pas mal, cette ça marche vanne. Aussi avec. Je pensais que t'allais dire, je veux que vous en donniez 50 à chacun. Je pensais que ça allait partir ailleurs. Ouais. Moi, j'aime bien les blagues qui c'est me sont l'autre. Prêtes. Ah, je t'ai surpris. Parce que la blague, quand tu la vois venir à la moitié, c'est rouge. Ouais. Bon, c'est bon, Jérémy, on peut revenir à tout. Dédicace à mon copain qui vous écoute, Daniel G. Veux-tu m'épouser? Salut Jade de 86. Énorme. Bien ça. Salut Jade. Salut. Bonsoir maintenant. De Dijon, bonsoir les Dijonais. Salut à mon bébé Cassidy, à mon manchot de la rade. Salut les man. Heureusement vous êtes là, j'ai passé un week-end pourri. Ma meuf m'a largué hier. Ah merde. Mon grand-père a fait un AVC aujourd'hui. Il n'y a que vous pour remonter le moral, vous êtes les meilleurs. Salut Enzo du 6-4 aussi. Ouais, bon courage mec. Salut frérot. La blague, je l'ai entendue sur Facebook il y a 20 minutes. Ah, c'est possible. Ah bah ouais, bah en même temps. Ah ouais, il blagues. A pas dit qu'il l'avait inventé, ah c'est ouais. Une blague. Hein, donc, c'est comme une musique, hein, tu peux l'avoir entendu. De la foi. Je suis le chasseur et la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, doudou, tous les légions. La blague est au top, JM du standard, je t'adore, 20 sur 20. Il voilà. Y a des beaucoup. Notes qui arrivent. Énorme. Dédicace merci. Au chauffeur TMF, 19 sur 20. J'en ai marre, c'était mort. J'étais là, je me suis marré, voilà, 20 sur 20. Merci. Bravo à JM, salut Vincent. La game, t'es meilleur, gros bisous. Ouais, je t'embrasse, je me suis embrouillé avec un pote et je ne sais pas si je dois lui reparler ou pas. Parce qu'il fait le gamin, on va en parler après. Je vous kiffe de haut, vous êtes les meilleurs, JM du standard, il fait trop rire. Merci. Amélie veut te m'épouser, Dylan du 59. Et oh, du mariage ce soir. Soirée, ah, ouais, double mariage. Ah bah là. Ouais. J'espère que c'est les oui, je veux les messages de ah retour, ouais. Les mecs. Hein. Blague méchante mais mort de rire, 20 sur 20. Merci. Allez-y, hein. Guillaume au début du message, et puis vous me l'envoyez au 6-11-12. Cette nuit, j'ai rêvé toi, ça vit de bonne humeur. Eh ben, très bien, ça mise de bonne humeur. Bah, gros bisous. Salut. C'était quoi ton rêve? Alors raconte le rêve. C'est érotique. C'est la Marguerite de Navarre. Je vous salut. Kiffe. Merci de me remonter le moral. JM du standard s'est fait fouetter sans coup de top dans les dents. Salut. Mais non, ça, me blague de merde, elle est Paris. Ah bah oui, forcément. Non, mais la blague, elle est bonne, vous pouvez l'inverser. Ouais, ouais, ouais. Fan du PSG. Bah oui, oui. On les a atomisés, les Stéphanois, hier. Lyon Saint-Etienne 2-1 pour Lyon. Pour ceux qui ont suivi, j'espère que vous avez regardé les potos. Bisous de Messimi. Salut à tous les mecs qui suivent le foot, à tous les routiers de la Nike qui se régalent avec vous. Salut, Socafna en force. Salut, man. Voilà, Guillaume, au début du texto, vous me l'envoyez au 6-11-12. Vous allez voir quelques secondes après, je lis. C'est pas une couille. Voilà, si vous découvrez mon émission, je m'appelle Guillaume. C'est Guillaume Radio 2.0. On fait 22h minuit tous les soirs. J'ai pas cette voix-là normalement. Ça s'entend un petit peu dans le Ouais, fruit, légèrement. Hein. Ouais. Un petit peu. J'entends ouais, un peu le nez. Un petit peu, mais j'ai eu pire. Hein. Oui, non, oui, parce qu'on a fait des émissions. Ah bah oui. Depuis qu'on fait cette émission-là, où j'en ai animé 2-3, où j'avais quand même une voix, mais alors. Il faut que tu mettes du Vicks en fait. Franchement, du Vicks. Ouais, sous le nez. Ah oui, oui. Ah oui, ça te. Ah franchement, c'est bien ça. Vicks va bien. Oui, mais c'est pas ça qui fait venir la voix. Ça te peut aider, je pense, dans les temps vocaux. Ça débouche la couloise nasale, mais ça te. Ça clarifie la voix. Ça te vide un trou, mais ça te remplit l'autre. Non, mais c'est vrai en plus ça. Ouais, je veux. Ouais. C'est qui le papa? Salut Babar, coucou à l'équipe. Préférez moi mes deux petits bonhommes, Esteban et Jason. On vous adore. Salut Jenny du 82. Salut. Je t'écoute tous les soirs. Super ta blague. J'aime du standard. Merci. Voilà. Très bien. Alors, j'ai un stagiaire, c'est un suceur de bite à crédit. Suceur de bite. Salut Thomas. Alors, t'as comment ça? J'ai un stagiaire à part. Non. De merde. Salut. Arrête, ça va. C'est un peu vieux. Bah ouais. Dernier message, je peux envoyer. Je change de forfait. Gros bisous, les moches. Lisa Denis, gros bisous, Lisa. Salut Lisa. Bisous. Ah, mais vous faites chier à passer tout chez Free de merde, là. Ouais. Après, c'est vous pouvez. Free, bloque les messages, là, putain. Il y en a plein qui m'envoient des mails en me disant je peux plus envoyer de message.